Bonsoir et bienvenue sur Comic Stories pour la finale des Infinite Wars 2015. Après 2 mois de grandes compétitions, enfin, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui sont un peu moins battus que d'autres. Nous allons enfin savoir qui remporte ces Infinite Wars 2015. Vous allez vite le comprendre, pas mal de surprises sont au programme. Les 8 qualifiés que vous connaissez ont été rejoints par 8 personnages repêchés. On aura l'occasion de vous expliquer tout ça dans la soirée. Mais avant toute chose, je vais quand même vous présenter qui est avec nous ce soir. Comme depuis le début de ces Infinite Wars, Arnaud, Salut. Clément, Salut. une invitée surprise, Elodie, Bonsoir. Elvire, Bonsoir. un autre invité surprise, Léo, Bonsoir. qui va avoir une mission particulièrement difficile à assurer ce soir. J'accepte ma mission. Et pour terminer, Nib, Bonsoir. qui a la chance d'avoir un de ses personnages repêchés. Alors, comment ça va se passer ce soir? Nous avons donc 16 personnages qui sont répartis en deux tableaux. Nous allons d'abord départager les 8 personnages du premier tableau, comme on le faisait dans les rounds chaque dimanche cet été. Puis, on s'occupera du deuxième tableau. Il nous restera un personnage par tableau. Ce seront les deux grands finalistes qui se confronteront pour une dernière fois. Et on aura ainsi le personnage vainqueur et surtout le coach vainqueur, parce que le principal enjeu est quand même ici, savoir qui va régner sur tout le monde pendant un an. C'est The Voice en fait, les Infinite Wars. C'est un petit peu ça. Sauf qu'on n'a pas besoin de se retourner sous la chaise. Et que c'est encore mieux en termes de qualité, évidemment. Ou alors, si tu le fais, tu t'assures d'avoir un câble de micro assez long, s'il te plaît. On va commencer le premier duel du premier tableau. C'est un personnage d'Elvire, qui a été qualifié lors des rounds habituels. C'est le personnage de Daredevil, interprété par Charlie Cox dans la série Netflix de Marvel. Et il sera confronté à un des personnages repêchés. Ce personnage a été repêché par Antonin, un de nos rédacteurs, qui a choisi de ramener à la vie le personnage de Talia al Ghul et qui a choisi de le confier à Nib. Donc Nib, j'espère au nom d'Antonin que tu te montreras digne de son choix. Je Et vais que tu essayer. montreras surtout que si Talia a été éliminée, c'est parce qu'elle avait été particulièrement mal défendue lors de son premier passage. On ne dira rien. Je ne sais plus à qui elle était. Dommage que YouTube voit pas ça, mais j'avais un regard hyper accusateur en fait. Ah. Je me rappelle plus. Peut-être Clément, non? Ouais, un truc comme ça, je Un crois. truc comme ça. Ouais. Elvire, est-ce que tu veux bien nous présenter ton champion? Alors, moi j'ai choisi Daredevil. Donc c'est celui de la série de Netflix que je vais répéter ce que j'ai répété lors des premiers duels. Donc Daredevil, c'est Daredevil la nuit et le jour, il est Matt Murdock, un avocat. Et donc c'est parce que je vois pas quoi répéter plus que ce que j'ai dit avant. Si tu penses que ça suffit, il n'y a pas de souci. Je pense que la série Netflix est dans les têtes de tout le monde, donc. Ok. Voilà. Nib, Talia, qui est-elle? Elle a peut-être besoin d'un peu plus d'introduction. On parle bien de la Talia al Ghul version comics, hein, et pas de celle des écrans. Bien, d'accord. Alors, Talia al Ghul, elle est connue pour être une des filles de Ra's al Ghul, le leader de la Ligue des Assassins, un des nombreux ennemis de Batman. Mais elle est aussi connue pour avoir été, plusieurs fois, via des relations ambiguës ou pas, une des amantes de Batman. Et notamment la mère de Damian Wayne, donc le fils de Batman et Talia. Ok. Allez, Nib, tu as l'honneur d'avoir un personnage repêché. L'honneur. Pourquoi penses-tu que Talia mérite sa place en finale? Et surtout, pourquoi devrait-elle battre Daredevil, Charlie Cox? Pourquoi je pense? Parce que. Après, pour être parfaitement honnête, c'est pas un personnage que je maîtrise énormément. Je l'ai vu à l'occasion de films genre Justice League, les trucs comme ça, je l'ai vu dans quelques jeux, etc. Mais de ce que j'ai lu, c'est une femme quand même qui, même si elle fait partie de la Ligue des Assassins, elle est assez entière. Donc plusieurs fois, elle n'a pas hésité à désobéir à son père pour défendre l'honneur de Batman. C'est à peu de choses près une bonne mère, on va dire. À peu de choses près. Près, ouais. Ouais. On On va dire enlève la ça. manipulation. C'est aussi à peu de choses près une femme qui a fait un enfant de force. Oui, voilà. Ouais, ils sont jamais d'accord sur ce coup-là, quand même. Mais pourquoi elle devrait battre Daredevil si je devais prendre les arguments bruts, force? Elle a tout de même la Ligue des Assassins derrière elle, quoi. Voilà. C'est pas rien. Et puis surtout, elle a le puits de Lazare. Quelque Qui sorte. peut s'avérer utile, effectivement, en cas de mort. Voilà, en cas de mort ou de défaillance organique ou de perte de membres. Exactement. Elvire, pourquoi Daredevil devrait-il mettre sa pâtée à Talia ? Bah, on a bien vu que Talia a plein de valeurs, des bonnes valeurs, là, la trahison, faire des enfants dans le dos. Ah, ouais. Donc, et à côté, elle a des valeurs familiales. Ça, on a quand même quelqu'un qui est avocat le jour, donc qui défend la veuve et l'orphelin le jour, mais qui le fait aussi la nuit. Et c'est surtout qu'il s'est fait tout seul, il n'a pas de... Enfin, si, il est aveugle, et il est hypersensoriel, mais il s'est fait tout seul. D'ailleurs, dans la série, on voit son entraînement qui a été assez rude pour devenir ce qu'il est. En plus, il est... Non, je ne vais pas tirer sur la corde sensible et faire pleurer dans les chemins, mais voilà, il a une histoire personnelle qui fait qu'on ne l'aurait pas forcément attendu là. Garde la corde sensible pour un prochain match, éventuellement. Peut-être. Non, non, parce que c'est pas net. Mais voilà, c'est que moi j'aime bien les personnages qui se font tout seuls, qui n'ont pas de pouvoir donné, qui travaillent dur pour arriver où ils sont. Et moi c'est le côté aussi, voilà, c'est pas comme d'autres personnages où on est riche, c'est des millionnaires par exemple. Là c'est quelqu'un aussi qui fait... Il y a un prolongement dans la journée, il fait ce qu'il fait aussi la nuit. Il est cohérent, je veux dire. Et c'est aussi quelqu'un qui a une grande valeur, c'est l'amitié. Voilà, on voit dans la série, il est très proche d'un de ses amis, même de toutes les personnes autour. C'est quelqu'un qui a du cœur et qui fait ça vraiment par conviction. Voilà. Ok. Nib, est-ce que tu as quelque chose à répondre en faveur de Talia pour nous convaincre à nous de te donner notre point ? J'ai envie de dire, si t'as pas envie de voir des assassins débarquer chez toi, éventuellement... C'est sympa. La menace, toujours la menace. On parle d'un personnage sur papier. Alors, je dois maintenant vous annoncer un twist, puisque il y a quelqu'un qui opère dans l'ombre. Il y a une des personnes qui nous écoute, qui est Jonathan, qui a la possibilité ce soir de distribuer 15 points. Il y a une petite enveloppe de 15 points qu'il peut distribuer dans toute la soirée avec un maximum de 3 points à chaque fois. Hein, il ne peut pas en utiliser plus de 3 à chaque fois. Et il m'a annoncé qu'il donnait un point à Daredevil. Donc Daredevil part avec un point d'avance et maintenant nous allons voter. Arnaud. Daredevil, bien sûr. Clément. Daredevil. Elodie. Daredevil. Elvire, tu ne peux pas voter parce que tu as un personnage en jeu. Léo. Daredevil également. Et pour ma part, Daredevil. Daredevil 6, Talia al Ghul 0. Daredevil. Au prochain tour, le repêchage n'aura pas fonctionné pour Talia, qui retourne mourir une deuxième fois. Mais après tout, elle a un puits de Lazare. Elle a bien combattu quand même. Et un papa qui la défendra en détruisant une ville ou deux. Même s'ils sont un peu en France en ce moment, mais bon. Allez, Nib, tu t'es chauffé avec Talia, si je puis me permettre. Excuse-moi. Maintenant, c'est ton grand moment, puisque c'est ton personnage que tu as réussi à qualifier au nez et à la barbe de la Batwoman d'Arnaud. Rappelez-vous, c'était un des switch qui avait permis à ce personnage de se qualifier. C'est Oncle Ben. C'est Oncle Ben qui va devoir être défendu par toi. Mais alors attention, parce qu'en face de lui, il a un gros morceau. Il a Captain America, de l'univers cinématique, donc Chris Evans. Mais surtout, il y a Arnaud qui a bien l'intention de se venger de ce que tu as fait à sa Batwoman, j'imagine. Nib. Tu vis dangereusement, Nib. Nib, ouais. Présente-nous l'oncle Ben Parker. Alors, oncle Ben, c'est, comme son nom l'indique, l'oncle de Peter Parker, alias Spider-Man. Il l'a recueilli alors qu'il était tout gamin, quand ses parents l'ont déposé chez son oncle et sa tante, avant qu'il meure. Et du coup, c'est sa figure paternelle, celui qui a toujours été là tout le long de sa vie. Il a appris à faire du vélo, peut-être, on ne sait pas. En fait, il a toujours été là pour lui avec Tante May, donc il a toujours essayé de lui inculquer une sorte de morale. C'est sa ligne conductrice, c'est son ange gardien, c'est tout ce qu'un super-héros a besoin. C'est une figure paternelle, je ne dirais pas un dieu, parce que voilà, mais c'est Oncle Ben. C'est Oncle Ben, c'est tout. Et quand il est mort, est mort en quelque sorte par la faute de Peter, on va dire, et il s'en est toujours voulu. Mais il se souviendra toujours de la maxime d'Oncle Ben qui est « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Ça, c'est Oncle Ben qui l'a sorti, c'est pas ton petit Chris Evans, par exemple. Et une maxime que même qui a été reprise par pas mal de héros. Et par exemple, c'est... quand t'as un des anniversaires de Peter, t'as Doctor Strange quand même qui l'a fait revenir pendant 5 minutes, l'oncle Ben. Et du coup, il a pu lui dire à quel point il était fier de lui, de ce qu'il était devenu. Donc, Voilà, c'est l'oncle Ben. C'est limite, ils auraient été copains avec Captain America, on sait jamais, mais peut-être. On sait jamais. Oncle Ben sera toujours la figure dans le cœur de Peter, même s'il adore Captain America. Alors Clément, va-t-il assumer sa blague qu'il nous a envoyée en privé ? Vas-y, c'est quoi sa blague ? Oncle Ben aime le riz. Tu peux le kicker ou pas ? Non, je peux pas. Facile. Ouais. On peut le virer. Facile. On va le garder encore un petit peu. Un handicap de 3 points. Arnaud, tu dis facile, parce que ce sera si facile que ça de défendre Captain America. Vas-y, c'est ton tour. Alors certes, Captain America est beaucoup plus connu, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un personnage intéressant, contrairement à Oncle Ben. Oncle Ben, il y a eu peut-être 5 minutes d'importance, il a eu une très grande importance sur la vie de Peter Parker, mais c'est 5 minutes. 5 minutes, une phrase. Captain America, Steve Rogers, dans le civil, hein, il a dédié sa vie à sauver le monde. C'est quand même un héros de l'humanité, sans vouloir en faire des caisses. Mais c'est surtout un héros du peuple. C'est un mec qui vient vraiment du peuple. C'est pas un mec super riche comme d'autres super-héros. Et vraiment, il veut défendre tel Matt Murdock, la veuve et l'orphelin. C'est vraiment quelqu'un proche des gens. Et tu parlais, t'as essayé d'amener la corde sensible avec sa relation avec Peter Parker. Non, mais c'est très bien. Il a que ça, de toute façon, l'oncle Ben. Mais il a certes un destin tragique, vraiment tragique, en laissant derrière lui quand même une femme. Et la mort, c'est tragique, on peut le dire. Laisser derrière lui une femme et Peter, quand même, son neveu qui est comme son fils. Mais Captain America aussi a un destin assez tragique. Non seulement, d'une, il est plus ou moins mort, mais il est quand même revenu plus tard dans notre présent, dans un monde qu'il ne connaît pas, où tous ses proches sont morts ou quasiment morts. Les seuls survivants sont sur leur lit de mort, hein, comme Peggy Carter, l'amour de sa vie. Et donc, Oncle Ben a quand même vécu une belle vie. Il a eu une femme, il a élevé son neveu comme si c'était son fils qu'il n'a jamais eu. Alors que Captain America, il a tout perdu. Et en plus, on le ramène à notre époque pour continuer de souffrir, de se sacrifier pour le peuple. Oui, donc, alors, c'est quand même un héros. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Sincèrement, c'est un héros, c'est vrai. Sauf que c'est lui qui l'a choisi d'avoir son super sérum là. Imagine, t'aurais donné le sérum à Oncle Ben. Qui te dit qu'il aurait pas fait pareil ? Peut-être. Et imagine un What If, par exemple, où Captain America, c'est Oncle Ben. Et Steve Rogers, c'est un petit vieux comme ça qui fait de la crapette, j'en sais rien, qui fait son truc. Tu vois, c'est. Oui, mais Oncle Ben, il a jamais cherché à aider les gens plus que ça. Parce que Captain America, au départ, c'était un gringalet. Il a essayé de s'engager pour participer à la guerre, pour aider son pays. On lui a refusé à cause de sa taille, etc. Il a cherché un moyen de changer son destin et de vraiment pouvoir aider les gens. Il n'avait pas conscience des conséquences jusqu'où ça irait, mais il a quand même fait tout ça pour, à la base, s'engager, défendre son pays, son peuple, défendre les gens. Ok, alors d'accord, c'est quoi un héros pour toi ? C'est un mec qui se bat pour sauver tout le monde ou c'est un mec qui se bat pour sauver en priorité sa famille ? Tu as 4 heures. Voilà. On va passer aux autres. Hein. Et on va s'arrêter là, on va passer au vote. Et notre Beyonder à nous, Jonathan, a attribué des points sur ce match. Il en a attribué 3 à l'oncle Ben. Donc l'oncle Merci. Ben part avec 3 points d'avance et je vais demander maintenant à Clément de choisir. Je suis pour la gérontophilie, donc je vais voter pour oncle Ben. T'aurais pas dû dire ça, mec. C'est dégueulasse. Ça mériterait moins 5, ça. Je propose qu'on lui enlève 5 points dans son prochain combat. Soit ah oui. Elodie. Moi je suis pour Chris, Captain America. Évidemment. Elvire. Alors que Ben était très bien défendu, mais bon, ce sera toujours Captain America dans mon cœur. Léo. C'est vrai que j'ai bien aimé les petits pics lancés là par Nib, mais tout de même, je vais rester côté Captain America. D'accord. Alors. Quoi qu'il arrive, le destin est plié de toute façon, hein, puisque si je vote pour l'oncle Ben, étant donné que notre Beyonder lui a apporté des points, c'est lui qui va gagner quoi qu'il arrive, grâce aux points de Jonathan. Donc je vais voter aussi pour l'oncle Ben. À cause de ce que Arnaud a dit, l'oncle Ben, il a aidé toutes les personnes que Spider-Man a sauvées. S'il lui avait pas dit cette putain de phrase, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il aurait peut-être continué à faire n'importe quoi, il aurait sauvé personne. Voilà. Donc, oncle Ben, 5. Captain America 3. Et je c'est l'oncle hais, Ben je qui passe. Et ça fait deux fois avec ce salopard dans le club. C'est plié, c'est ma dernière émission. Je quitte l'émission. Au revoir. C'est vrai que c'est la, c'est la deuxième fois que ce putain d'oncle Ben. Alors, mais maintenant, c'est mon personnage. C'est solide, le vieux. Un personnage que je déteste. Et en plus, je quitte l'émission. Au revoir. Arnaud se retire définitivement de la vie comestique. Ouais. Voilà. De la vie podcasting, ça y est, c'est fini, les comics. Ah, je suis content, oncle Ben. J'ai réussi à le monter jusque-là. Ouais. Et ben, on verra si tu vas réussir à le monter contre Daredevil tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est vrai, là j'avoue. Mais au moins j'ai réussi à le monter. On peut déjà voter, moi je sais déjà pour qui je vote. Allez, je vais entrer en piste maintenant avec un de mes personnages que j'ai réussi à qualifier lors d'un des rounds que vous avez entendu cet été. C'est un peu l'invité surprise de cette finale, même, enfin, je m'attendais pas, même si je l'adore, hein, vraiment, c'est un des personnages préférés parmi tous ceux que je défends ce soir. C'est la Batcow qui est ici et qui va affronter quelqu'un qui a été repêché par Spock. Alors, Spock, qui a d'abord été Spock en short sur Twitter, puis dans l'été, il est passé Spock en slip à l'époque de la canicule. Maintenant, il est Spock à vélo. La question, a-t-il toujours son slip ou pas sur le vélo? Je ne peux pas savoir. En tout cas, voilà. C'est Spock qui a repêché Wonder Woman Linda Carter, un des personnages que j'avais défendu. Il m'a dit, écoute, tu l'as tellement bien défendu, je veux qu'elle ait une deuxième chance. Le seul problème, c'est qu'il la donne à Clément. En fait, je pense qu'il s'est foutu de ta gueule. Voilà, donc bon, il n'a pas mesuré l'erreur qu'il faisait, je pense. Clément, est-ce que tu veux bien nous présenter ton héroïne? Ouais, youpi! Donc, c'est Wonder Woman, interprétée par Linda Carter, donc de la série éponyme de 1977. Qui a duré trois saisons après. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est certainement l'un des personnages les plus connus de l'univers de DC Comics. Et ça a été la première et même unique adaptation de Wonder Woman, en série, si on enlève les séries du Tim Burton. Ok. Voilà. Pour ma part, la Batcow est un personnage apparu dans les comics. Elle est apparue dans Batman Incorporated numéro 1, la série des New 52, c'était le deuxième volume. Elle a été créée par Monsieur Grant Morrison et elle a été créée graphiquement par Chris Burnham. C'est une vache qui a survécu à un carnage dans un abattoir et qui a été découverte par Damian Wayne, Robin, qui a déclaré immédiatement en la voyant « À partir de maintenant, je suis végétarien ». Tellement elle est mignonne, cette petite vache. Mais elle n'est pas que mignonne, elle est particulièrement badass, puisqu'elle a eu droit à son histoire, à elle toute seule, dans un numéro spécial de Batman Incorporated, juste après la fin de la série. C'était le Batman Incorporated Special numéro 1. Et elle a été donc l'héroïne d'une histoire qui s'appelait Cowardly Lot, qui a été scénarisée par Dan Didio, monsieur le chef de chez DC Comics. Donc si même lui va vouloir écrire une histoire sur la Batco, c'est quand même que le personnage dépasse son simple statut de vache. Et cette histoire dessinée par Ethan Van Siver, qui est quand même pas non plus le dernier des manches. Arnaud, pourquoi Wonder Woman devrait-elle Excuse-moi. Je suis encore bouleversé dans Club Ben, et en plus tu m'insultes en m'appelant Clément. Merci, hein. Je passe une belle soirée. Clément, pourquoi... Et c'est pas fini, hein. Clément, pourquoi la Wonder Woman devrait-elle battre ma bad vache? Comme je l'ai dit, c'est la première adaptation de Wonder Woman à la télévision. Donc rien que pour ça, c'est surtout la dernière, il y a peut-être une raison, non? Oui. les grands mots. Mais pour l'époque, c'était une très bonne chose, car elle n'est pas si démocratisée que ça par rapport à maintenant. Donc comme je le disais avant que tu me coupes, ça a été la première fois que Wonder Woman a été adaptée à la télévision. C'est quand même une figure, on va dire, de femme forte, de féministe. Et voilà quoi, c'est l'un des rares personnages féminins qui est fort sur tous les plans. Et je te laisse tramer et je me délecte. Et voilà. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Oui. Même le oui n'est pas crédible. Est-ce que tu peux rappeler ce que tu as dit quand tu as appris que tu allais avoir Wonder Woman à défendre? Oh non, merde, pas elle. Ben dis donc. T'as pas le droit d'utiliser ce qui dit en off. Donc, bah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, au tout début de l'émission. Hein, quand j'ai dit que tu avais un personnage repêché, t'as dit « Eh merde ». Ouais, mais non, ouais, c'est trop... Donc, cette petite bad vache, de toute façon, elle va mettre la pâtée à ta Wonder Woman, j'en doute pas du tout. Je vais garder quelques petites choses sous le coude pour plus tard. Sachez juste que si toutes ces personnes voilà, l'ont choisi, ont voulu l'écrire, ont voulu la dessiner, on a même eu la rumeur d'une série Batco. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du phénomène qu'elle a pris. Ah ouais. Ça a été un vrai buzz au moment de son apparition. La case où elle apparaît a été tweetée, retweetée, enfin, est apparue sur beaucoup de réseaux sociaux. Et on a eu à un moment une rumeur d'une série ou d'une mini-série consacrée à ce personnage-là. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est pas rien non plus, puisque Jonathan lui donne un point. Il donne 3 à Oncle Ben et 1 à la Batco, mais franchement, il a aucun goût. Écoute, je sais pas, peut-être qu'il y a... Ah, si on le suit sur Twitter, on le sait déjà. Si on le suit sur Twitter, on le sait déjà. Oui, bon. C'est vrai que c'est le fan de Joséphine Ange Gardien ultime. Il est plus belle là. Voilà. Quand il a donné ses points à Oncle Ben, il a ajouté « Il mérite bien ça, le pauvre homme ». Foiré. Allez, je vous propose de passer au vote dans ce duel Batco contre Wonder Woman Linda Carter, personnage repêché par Spock pour Clément. Et on va donc commencer avec Elodie. Ça me fait un peu mal de donner des points à une vache, mais bon, c'était largement mieux défendu que Wonder Woman, donc Batco. Okay. Elvire. La même chose, Batco. Léo. Idem, Batco. Nib. Ça me fait chier parce que j'adore vraiment le personnage de Wonder Woman, c'est quand même une icône, une des personnages les plus représentés. Et tout ça parce que Clément l'a défendu, je donne mon... ça m'embête parce que j'adore vraiment Wonder Mais Woman. Comment je peux défendre ça? Je connais rien sur le personnage. Il fallait te renseigner, mon grand. Moi-même, Talia al Ghul, je connaissais rien sur elle. Et Arnaud? Bah, la Batco, bien sûr. Batco 6, Wonder Woman 0, et la Batco passe au tour suivant. Il y a eu 2 grosses branlées depuis le début, quand même, là. C'est vrai, 6-0 deux fois. Eh ben tiens, Léo, t'as parlé, ça va être à toi de jouer maintenant. Vas-y, souffre. Le premier personnage de ce prochain duel, c'est un personnage que j'avais réussi à qualifier lors des rounds comics, c'est Wally West. Et le personnage que Léo va défendre, c'est un personnage qu'il a repêché tout seul, comme un grand. Il a quand même choisi un adversaire sérieux pour Wally West, puisqu'il a choisi Wilson Fisk, interprété par Vincent D'Onofrio dans la série Daredevil de Netflix. Donc là, on a quand même un duel qui s'annonce assez costaud. Est-ce que tu veux bien introduire ton challenger, Léo ? Wilson Fisk, interprété dans la série par Vincent D'Onofrio, dans la série Daredevil Marvel, c'est donc le patron autoproclamé de Hell's Kitchen, puisque c'est lui qui a le pouvoir, l'argent, des hommes de main, et c'est l'ennemi le plus connu, en tout cas l'un des vraiment des plus connus de Daredevil, de l'univers de Daredevil. C'est un mafieux redoutable, tant indirectement avec toute la mafia qu'il contrôle et qu'il manie aussi en corrélation dans la série avec la mafia asiatique et même un courtier de Wall Street. Mais aussi directement, puisque on le voit dans la série, Wilson Fisk est redoutable au corps à corps, en témoigne d'ailleurs la carrure de Vincent D'Onofrio qui fait facilement 2 mètres. Voilà, et qui représente un sérieux combat autant physique que stratégique pour Daredevil. Ouais. Wally West, de son vrai prénom Wallace, bon, on les appelait Wally quand même, c'est le neveu d'Iris West, le pauvre. Donc rien que pour ça, il mérite des votes. Il a quand même la tante la plus chiante du monde. Et par conséquent, c'est aussi le neveu de Barry Allen, forcément. Wally West, il est connu, lui, pour avoir été Kid Flash pendant des années. Et puis, suite à la disparition tragique de Barry, il va reprendre le nom de Flash et devenir le Flash de DC, le troisième Flash après Jay Garrick et Barry Allen. Ce sera donc Wally West. un personnage qui est notamment le Flash des années 90, on va dire, avec le grand run de Geoff Johns sur le personnage de Flash. C'était Wally West qui était sous le costume à cette époque-là. Et c'est peut-être mon Flash préféré, encore plus que Barry Allen. Pourquoi Wilson Fisk devrait-il éliminer Wally West, d'après toi, Léo? Pourquoi l'as-tu repêché et pourquoi penses-tu qu'il devrait gagner ces infinitoires? Parce que d'une part, j'ai trouvé l'interprétation de Vincent D'Onofrio assez excellente. On voit dans la série à quel point il est réellement bien dépeint comme un homme qui a une vraie bonne volonté, celle de vouloir un peu aider Hell's Kitchen, mais qui s'y prend très mal et qui s'y prend avec maladresse et surtout avec beaucoup trop de violence, mais qui pour autant n'est pas non plus le monstre insensible qu'on peut avoir comme pouvait éventuellement l'être dépeint celui de Michael Clarke Duncan dans le film Daredevil dont on ne parlera pas, et également parce que c'est un vrai méchant emblématique de l'univers Marvel, vraiment puissant. On le voit en plus dans la série se confronter lui-même à Daredevil, lui mettre des vrais bons pains et avoir un vrai rôle de premier rang, tout en n'étant pas qu'un méchant juste un méchant qui a envie de faire le mal, qui a vraiment une vraie sensibilité à lui tout seul, notamment avec le personnage de Vanessa. Et voilà, il a en cela beaucoup plus de carrure, de prestance, de vrai relief qu'un Kid Flash, qui, si je l'aime bien aussi, je l'avoue, n'est quand même qu'un Flash qui est passé derrière Barry Allen, qui restera quand même le premier vrai Flash, celui qui restera dans les mémoires. Je suis pas sûr, parce que Wally a quand même été réclamé beaucoup de fois par les fans de DC, et dans les New 52, il a été très très attendu. Il faut voir aussi la réaction à l'annonce de son arrivée dans la série The Flash. Enfin, ouais, c'est vraiment un Flash qui est très emblématique pour toute une génération. Et puis, il a beaucoup plus de relief que ce que tu crois. Wally West, c'est le premier Flash à avoir rendu public son identité. Et surtout, c'est Wally qui était Flash dans le dessin animé La Ligue des Justiciers. Aussi, ouais. Mais voilà, c'est le premier Flash à avoir donné publiquement son identité, à dire, voilà, je suis Wally West et je suis le Flash. Ce qui a quand même mis en danger sa femme et surtout ses deux petits jumeaux. Donc du coup, Hal Jordan a effacé la mémoire des gens, voilà, pour revenir en arrière sur cette erreur de Wally. Mais voilà, il a assumé son rôle de super-héros, il a tombé le masque, et voilà. Suite à ce qu'Hal Jordan a fait, il avait lui-même oublié son identité, donc ça a eu toute une tonne de conséquences sur lui. Voilà, c'est grâce à Batman qu'il s'est finalement rappelé qu'il était Wally West et qu'il était Flash. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Sa vie de famille est très importante pour lui et très bien développée par Geoff Johns, notamment dans son run. C'est Flash, mais c'est aussi Wally West, et on n'oublie pas de nous le présenter en tant que Wally West, de le rendre intéressant en tant que Wally West, ce qui n'est pas le cas de Barry Allen dans les comics. Et c'est pour ça que moi, je pense que Wally West est un meilleur Flash que Barry Allen et mérite toute notre attention, vraiment. Et puis finalement, voyant que Barry Allen revenait à la vie et que la Terre était entre de bonnes mains, etc., il s'est retrouvé dans une autre dimension avec sa femme, avec ses jumeaux. Personne ne sait où il est. On ne sait même pas s'il a envie de revenir sur Terre ou s'il peut le faire. Voilà, on sait juste qu'il est dans une autre dimension avec Linda, sa femme, et ses jumeaux. Et voilà, on sait par Bart Allen qui est toujours en vie, mais c'est tout ce qu'on sait de lui pour le moment. Voilà. Ouais, mais Vincent D'Onofrio quand même lui partait avec plus de handicap que Kid Flash, puisqu'il devait quand même partir depuis les bases laissées par Michael Clark Duncan dans le film, et il le fait vraiment bien parce qu'il apporte tout un nouveau pan, en tout cas en tant que visuel, en tant qu'apparaissant dans une série, et il le fait brillamment en étant cette espèce de colosse un petit peu qui paraît d'abord cœur de pierre, mais qui ensuite se révèle nettement plus sensible. Et d'ailleurs, tu disais que Kid Flash avait révélé son identité. Wilson Fisk le fait aussi dans la série, même si bon, les conditions sont un peu différentes. Pourtant, il ne porte pas de masque, lui, donc c'est dur de se cacher. Oui, mais lui se cachait bien, et lui il menait ses opérations mafieuses de main de maître dans l'ombre. Et il le fait tout autant quand il se dévoile, quand il quand il annonce qu'il a envie de jouer un rôle, il reste toujours le patron jusqu'à ce que Matt Murdock le bat dans le premier ou le deuxième épisode. Et même, non seulement il se révèle et il fait étalage de toute sa puissance, mais en plus il met une vraie pile à Daredevil dans un vrai combat à main nue. Et il a eu beaucoup de fois l'occasion également de montrer à quel point il était impitoyable, d'une part donc face à Daredevil, mais également aussi face aux Russes, là, qui finalement ont commencé à se révolter contre lui et en tranchant la tête, ouais, vraiment tranchant la tête d'un mec avec sa portière de voiture. Si ça, c'est quand même pas badass, hein, je vois pas ce qu'il vous faut. Donc voilà, en tant que, là, dans la série, c'est non seulement une réussite cinématographique et interprétative, mais en plus, une réussite au niveau du personnage, au niveau du scénario, puisque Wilson Fisk était présent donc dans tous les épisodes, même quand on ne le voyait pas, même dans les 2-3 premiers épisodes où on ne savait pas encore qui il était, ce qu'il allait faire, etc. Son ombre continuait de planer, et il a représenté un vrai ennemi vraiment redoutable pour Daredevil, pour Matt Murdock, un Matt Murdock qui plus est qui commençait plus ou moins sa carrière dans cette série. Et terminer juste quand même en disant que heureusement qu'il a fait mieux que son alter ego dans le film, parce que quand même la base était quand même pas difficile à atteindre. Que Wally devait aussi faire oublier quelqu'un, il devait faire oublier Barry Allen, qui était pas n'importe qui, et il a réussi à le faire d'une manière magistrale. Et voilà, et que tu remarqueras que des super vilains dont on connaît l'identité publique, il y en a beaucoup, des héros qui se dévoilent, il y en a déjà beaucoup moins. Ouais, mais sauf que Wilson Fisk restera comme celui qui sera quand même à mon sens en tout cas, le plus symbolique des ennemis de Daredevil, en tout cas l'un des plus forts, et qui restera en tant que tel, grâce notamment à cette énorme carrure qu'a Vincent D'Onofrio, qui mettra de l'ombre sur le reste des ennemis de Daredevil, et de surcroît après l'interprétation vraiment brillante de Vincent D'Onofrio, alors que Kid Flash, il restera peut-être Flash tout court, il est devenu Flash, il n'est pas que Kid Flash. Oui, mais ce ne sera jamais vraiment le Flash qui a eu la force véloce en premier. Ce sera toujours Jay Garrick d'ailleurs le premier, puis ensuite Barry Allen comme le plus symbolique de d'ailleurs dans la série c'est Barry Allen qui est le vrai premier rôle dans la série de Flash, hein. Pour la saison prochaine, Kid Flash sera cantonné au second rôle, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais quand on a demandé aux lecteurs et auditeurs du Comic Stories quel était leur Flash préféré, c'est Wally West qui a gagné, et de très très très loin. Voilà, on va conclure ici, on va conclure par une intervention de Jonathan qui nous dit « And one point goes to Wally West ». Il a aucun goût. Donc Jonathan a donné un point à Wally West, il lui en reste encore 9 pour la soirée. Et on va passer au vote, et c'est toi Elvire qui va commencer. Et ben moi je trouve que Léo a bien défendu Fix. J'allais voter pour lui jusqu'à ce que tu dises que lui aussi il a dévoilé sa véritable identité. Non, il se fait passer pour un gentil. Il dévoile pas au public sa véritable identité de méchant. Et on peut pas comparer un super héros qui fait le bien, qui dévoile sa véritable identité, et un vilain qui dévoile sa véritable. Donc ça m'a gêné. Donc c'est pour ça que je donne mon point à Wally West. Nib. Wally. Arnaud. Quand elle vient, j'allais voter pour Wilson Fisk parce que je connais pas Wally West, mais les mêmes arguments qu'Elvire, je vote pour Wally. Clément. Wally. Elodie. Je trouve que Léo s'en est très bien sorti, comme je connais aucun des deux personnages, je vais dire Wilson Fisk. Merci Elodie. Wally West 5, Wilson Fisk 1. Et Wally West passe donc le stade suivant. Allez, on va passer à la rencontre des vainqueurs maintenant. Daredevil Charlie Cox de Elvire versus Oncle Ben de Nib. Alors là, j'ai hâte d'assister à ça. Elvire, pourquoi l'oncle Ben devrait-il se faire rétamer par ton Daredevil ? On va pas se faire rétamer parce qu'on parle de deux personnages qui ont un peu les mêmes valeurs. La famille, l'amitié, les responsabilités. Mais après ça, Daredevil, parce que c'est bien gentil de dire qu'un grand pouvoir implique des responsabilités, mais c'est pas l'oncle Ben qui était face au danger en soi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas lui qui vient Oui, c'est voilà, pas lui qui s'en trouve au coin, non, mais ça... Voilà, donc même si il a fait tout ce qu'il pouvait pour Spider-Man et pour Peter Parker, voilà, Daredevil, les responsabilités, il les prend en pleine face, littéralement. Il fait face à ses choix et voilà, il y a tout le training qu'il a que Oncle Ben n'a pas forcément, mais bon, ils ont pas le même âge non plus. Hein. Et ouais, voilà. Il y a que ça qui le différencie parce qu'après, voilà, ça reste deux personnages avec qui ont la même base, mais bon, voilà, c'est pas Oncle Ben qui défend, qui risque sa vie. Face au vilain et face à sa vie. Nib. Je suis d'accord avec toi, totalement. Tu dis que c'est pas Oncle Ben qui risque sa vie maintenant. Bah, j'ai envie de dire, c'est normal, il en est mort. Il a risqué sa vie, il a voulu défendre sa famille, il en est mort. Sauf que lui, bah, il avait pas l'entraînement, c'est vrai. Mais il a pas hésité à risquer sa vie. Et il est mort quand même. Et juste petit point comme ça pour rigoler, bah, dans un numéro, c'est quand même lui qui est devenu le surfeur d'argent grâce à Galactus. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est vrai. C'est vrai, et on l'a revu récemment dans Spider-Verse avec les pouvoirs de Spider-Man. C'est un Ben Parker d'une autre dimension. Ça t'aurait plu de lire ça d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'on peut passer au point ou est-ce que l'un ou l'autre a des choses à dire encore pour défendre son personnage ? Non, je pense que tout a été dit. Alors nous allons voter et c'est toi Léo qui va commencer. Pour info, Jonathan ne donne pas de points pour ce tour. Il manquerait plus que ça. moi je vote Daredevil. Daredevil. Nib. Bah, je vais pas voter pour. Ah oui, tu ne peux pas voter, excuse-moi. Arnaud. Merci. Ton avis. Je sais pas, faut que tu. Daredevil. Daredevil. Clément. Daredevil. Elodie. Daredevil. Et l'oncle Ben pour ma part, parce que ça m'embête qu'il n'ait quand même pas de points, il mérite bien mieux que ça au niveau comme ça. Bon, Daredevil, il a fait deux comme ça, Arnaud. Daredevil 4, oncle Ben 1. C'est donc Daredevil que l'on retrouvera tout à l'heure contre le vainqueur, soit Matko, soit Wally West. Et oui, deux de mes personnages. Donc je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Je ne vais pas vous donner forcément plus d'arguments pour l'un ou pour l'autre. Je ne vais pas exprimer préférence non plus. Je vais juste vous laisser choisir en votre âme et conscience entre Batco et Wally West. Juste pour Jonathan, on va lui laisser exceptionnellement le temps que vous donniez vos points pour éventuellement en donner s'il a envie, puisque là on n'a pas vraiment de duel. Ce sont deux de mes personnages. Donc on va commencer par Nib. Wally West. Arnaud. La Batco. Clément. La Batco, parce que je me souviens qu'il a réussi à mettre la pâtée à un personnage d'Apocalypse. C'est vrai. Et puis la Batco a affronté Daredevil et a battu Daredevil dans les rounds. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de l'avoir retrouvé Daredevil en finale de ce tableau. Elodie. La Batco, allez. Elvire. Wally West. Léo. Moi, pour la teneur de l'affrontement qu'on a eu, pour l'amour que j'ai pour tous les Flash, et ça a été dur d'ailleurs de devoir me battre contre un Flash, et parce que défendre une vache me paraît relativement incongru, je vote Wally West. Alors, on est bien dans la merde. Wally West 3, Batco 3. Eh ben, on va donc faire appel à notre Beyonder. Jonathan, je te demande rapidement, s'il te plaît, de dire qui tu veux voir. Ah, un point pour Batco de la part de Jonathan. Ouais, mais... donc, allez, Daredevil est dans le dernier carré. Le Daredevil de Charlie Cox, il va affronter la Batco pour une place pour la grande finale. Elvire, pourquoi Daredevil devrait-il battre cette Batco alors si elle n'a pas mérité sa place? Parce qu'elle n'a pas mérité sa place. Bon. Pourquoi? Mais tu l'as encore prendre par les sentiments et elle va gagner juste en tirant sur la corde sensible et pas l'argument. Si. Toujours. Je peux dire que la Batco ne s'est pas contentée d'apparaître dans Batman Incorporated. Elle aurait pu, après tout, voilà, Grant Morrison aurait pu créer son personnage, il aurait vécu dans son coin malgré le buzz et voilà, il serait mort aussitôt. Pas du tout. La Batco est aussi apparue dans d'autres choses. Elle est apparue dans Batman and Robin, bien sûr. Elle est apparue dans Robin Rises. Elle est apparue dans Convergence. Donc, le gros event qui mêle tous les univers de DC. eh ben, elle a quand même été digne d'apparaître là-dedans. Elle en a fait partie. Elle est apparue dans une série qui s'appelle Infinity Man and the Forever People, et on la trouve toujours, elle est toujours en univers d'ici, dans la série Robin, Son of Batman, de Patrick Gleason. Donc voilà, c'est un personnage qui a été repris par de nombreux scénaristes, qui continue à avoir sa vie, malgré le fait que Grant Morrison ait laissé la série Batman Incorporated. Donc c'est quand même pas rien, c'est vraiment un personnage qui a l'air comme ça anecdotique, mais qui a toujours son impact, qui apparaît toujours, que beaucoup de personnes continuent à aimer. Enfin, moi, s'il y a une série Batco qui sort demain, c'est clair, je vais être un des premiers à la lire, cette série-là. Ne serait-ce que parce que son histoire, Coward Lilo, était génial dans le one-shot. Un des seuls, peut-être, en tout cas, elle est quand même hyper populaire. Ah, mais ça, je lui reconnais ça, elle était très charmante. Mais voilà, le pouvoir de rendre les gens végétariens face au pouvoir de battre les méchants et le combat contre la justice, c'est... Voilà, il y a deux poids, deux mesures. Elle est allée sur une planète, enfin, quand Robin est mort et qu'il a fallu le secourir et le ramener de Apocalypse, donc la planète de Darkseid quand même. Elle y est allée avec Batman et avec les autres membres de la Bat-Family, et elle s'est battue, et elle a buté des bad guys sur Apocalypse, et à la base, c'est quand même juste une vache, quoi, et c'est une vache qui... Oui, mais elle y est pas allée toute seule, elle a tout le temps battu quelqu'un, c'est pas indépendant. Alors, elle est très gentille, bah, en tout cas, elle a battu ces gens-là tout seul. Le portail était ouvert. Elle a suivi. Elle ne serait pas allée d'elle-même. Mais bien sûr que si. Batman lui a pas mis une petite lettre pour lui dire: allez, viens sauver Robin. Enfin, lui, il n'avait rien à foutre de la vache. C'est elle qui est allée. Oui, mais voilà, tu as dit le mot. Elle a suivi les gens. Donc, elle est très gentille. Elle est très. En même temps, elle n'est pas non plus créée un portail. Il faut quand même dire aussi. Je suis sûre que si on a besoin de changer une roue, tout ça, elle est là pour nous. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas elle qui s'est fait elle-même. Voilà, elle a été recueillie par Robin, mais c'est pas elle qui va combattre d'elle-même. Elle a survécu au massacre dans l'abattoir. Hein. On ne sait pas comment, on ne l'a pas vue. Voilà, mais c'est pas comment. Peut-être qu'elle s'était planquée. Elle s'était planquée sous un abattoir, quoi. Il n'y avait pas possible de se planquer. C'était un abattoir. Enfin, c'était vide. C'était un hangar avec juste plein. Il y en a une seule qui s'en est sortie. C'était elle. C'est quand même, un personnage. Ça en fait un très bon animal de compagnie. Plus qu'un animal de compagnie. C'est la bat vache. Mais oui, mais elle a une place spéciale dans ton cœur. Je veux bien, mais là, on parle quand même. Ça, c'est... Ah, pour moi, c'est difficilement comparable, même si elle est très gentille. Alors, on va passer au point et puis on va faire confiance à nos acolytes pour pouvoir départager ces deux personnages. Et c'est toi, Nib, qui va voter en premier. Je vais voter la Batco parce que je peux pas voter pour un personnage qui a déroulé en club. Voilà. Arnaud. La Batco, bien sûr, pour tout ce que tu as dit, même plus. Clément. La Batco. Elodie. Non, franchement, je reste pas pour le deuxième. Merci. Elodie d'Ardeville. C'est une vache quand même. Voilà, c'est une vache quand même. Et Léo. Bah franchement, Mathieu, tu m'épates dans la défense de Batco, c'est vraiment impressionnant. Jusqu'à la mort, cette vache. Ah bah, je n'en dis pas. Mais mon amour de la série avec Charlie Cox reste plus fort, donc je vote Daredevil. Daredevil 2, Batco 3, Batco atteint la grande finale des Infinite Wars et elle affrontera le vainqueur du deuxième tableau. Il donne truqué. Pas de points. Jonathan n'a pas donné de points. Il dit juste: je suis moi-même végétarien et je suis décidé à sauver cette pauvre vache des mains d'Elvire. Donc encore un point pour Batco. Voilà, ce qui fait donc finalement 4-2. J'avais pas lu le message. Quelle tristesse. Mais bon, mais et je dis, Jonathan, il te reste. Elle a accédé à la finale de façon. Non, c'était pas juste. Je peux soutenir Elvire. Merci. Deuxième tableau, Phil Coulson contre Darren Dixon. Tu ne le sais même pas. Tu le sais au fond, toi, qu'elle méritait. Bien sûr, elle mérite même de gagner ce dernier match. Phil Coulson, c'est un personnage qui a été qualifié dans les rounds habituels, dans les émissions classiques, qui a été qualifié grâce à un switch. Rappelez-vous, c'était le Captain America d'Arnaud qui avait bâti tous les... Voilà. Et c'est un argument d'Elvire qui a fait pencher la balance, puisqu'elle a dit que Coulson, c'était le geek ultime. Et c'est toi, Elvire, qui l'a qualifié en disant « Allez, on va faire comme dans les films, on va... » Et donc, c'est grâce à toi que je dois la présence de Phil Coulson dans cette finale. Eh ben, si j'avais su. Et il va affronter, le personnage repêché par Elodie, qui a choisi de repêcher Daryl Dixon de la série Walking Dead, ce qui va faire plaisir à Elvire, j'imagine. J'espère bien. Elodie, est-ce que tu veux bien nous présenter Daryl ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Daryl ? On a toujours besoin de présenter Daryl. Daryl est donc interprété par Norman Reedus dans la série The Walking Dead. C'est le personnage un peu badass de la série, mais aussi celui sur qui on peut se reposer, celui qui arrive à sortir tous les personnages de la merde, qui est un très bon chasseur, qui est un très bon tueur de zombies, et qui ferait n'importe quoi pour la survie du groupe et pour les autres. C'est une belle présentation, je dois le reconnaître. Merci. Mais c'est quand même oublié que c'est un personnage chiant dans une série chiante. Merci. D'accord, merci. Je pense que c'est le personnage le plus intéressant de la série de très très loin, et la série n'est pas si chiante que ça. Elle n'est pas chiante du tout. Elle n'est pas si chiante que ça, donc ça veut dire que tu concèdes quand même qu'elle est un peu chiante. Phil Coulson, quant à lui... C'est des séries exigeantes, en fait, un peu comme ça, des fois. Phil Coulson, quant à lui, est le personnage apparu pour la première fois dans Iron Man de 2008, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Qui était à la base un tout petit agent, hein, qui n'avait même pas de nom. C'était juste un agent. Et puis, l'alchimie est tellement passée entre Clark Gregg et les autres acteurs du film. Le personnage, bah, finalement, s'est imposé de lui-même. Il a obtenu un nom, il a obtenu un statut. Et il est revenu depuis dans Iron Man 2, dans le film Avengers. Il a fait un tour du côté de chez Captain America. Enfin, voilà. Il a été le ciment de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe jusqu'à être le ciment... Carrément. Ah oui, jusqu'à être le ciment des Avengers puisque c'est sa mort qui va créer le rassemblement de l'équipe et qui va créer finalement cette union de tous ces héros contre Loki. Donc c'est un personnage qui est beaucoup, beaucoup moins anodin qu'il n'y paraît. Elvire l'a dit très bien, c'est le geek ultime. Phil Coulson, c'est un peu... Arrête de prendre mes arguments. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu as dit et qui avait été vraiment très vrai. C'est Phil Coulson, c'est un peu nous tous. C'est le mec qui collectionne ses petites cartes à jouer, là, ses petites trading cards avec Captain America dessus et qui est comme un gosse de rencontrer le vrai Captain America qui a envie de lui faire signer sa carte. Il aura sa carte signée, mais il ne la verra pas puisqu'il sera mort au moment où Cap... Voilà. Et... Il est mort, quoi, Coulson. Mort mais revenu. Bah oui, bah justement, il a besoin de machines pour revenir à la vie, quoi. Comme tout. Oui, il vaut mieux revenir dans son état que dans l'état dans lequel on revient quand on est dans le monde de Daryl. Mais bon, lui, il n'est pas mort. On meurt et Daryl, lui, il a survécu, contrairement à Coulson. C'est vrai. Mais survivre à des zombies, c'est quand même plus facile, à mon avis, que survivre à Loki. Alors là, je suis pas forcément d'accord. Hein. En plus, il a été tué par traîtrise. Quoi? Enfin, c'est l'heure de coup, c'est sa mort entre guillemets, du coup, c'est un peu. Ouais, c'est toute la roublardise de. Comment de Loki qui l'a vaincu finalement. Et voilà, non, mais ça a été. Oui, il est mort, c'est vrai. Mais il est revenu, notamment par la demande populaire, par la demande des fans, parce que je suis pas sûr que c'était autant que ça dans les plans de le faire revenir. En même temps, je pense que si Daryl meurt un jour, les fans, ils seraient aussi. Ah, ça va être terrible, ça va être terrible. C'est révolution. C'est pour ça qu'ils ne vont pas le tuer. D'ailleurs, il n'existe pas dans les comics. Ce personnage a été inventé, je pense que c'est le plus populaire de la série, même. C'est possible que ce soit le plus populaire de la série, oui, ça, je veux bien te l'accorder. Surtout. C'est peut-être le plus populaire de la série, mais il est quand même pas assez bien pour intégrer les comics. Il est encore mieux. Ils y pensent. Ils y pensent. Ça fait 5 saisons que la série elle existe. Ça fait 5 saisons qu'on se tape des épisodes qui semblent durer 3 heures et qu'on le regarde avec son arbalète. Et pour le moment, Robert Kirkman, il n'a pas encore pris une photo aussi long pour écrire son nom. Hein. C'est un tueur avec son arbalète. Hein. C'est quand même lui qui, je suis sûr, a niqué le plus de zombies depuis le début. Donc s'il était si bien, et s'il était si populaire, et si aimé, etc., Robert Kirkman, qui est quand même certes un artiste, un auteur, etc., mais il est quand même quelqu'un qui se fait de l'argent, qui fait aussi les choses pour gagner de l'argent, si vraiment Daryl était autant que ça, ça ferait longtemps qu'il aurait pris son stylo et qu'il aurait écrit son nom dans son comics. Et pour le moment, il n'y est toujours pas. Mais c'est parce qu'il s'est dit, on l'avait pas mis au début, donc on va pas le mettre maintenant, tu vois. Pourquoi pas ? Parce qu'il veut le garder. Michonne était hyper populaire, elle faisait vendre beaucoup de comics, elle est arrivée dans la série très vite. Il pourrait garder une exclue pour la télé, tu vois, pour qu'il y ait des différences. Il pourrait garder une exclue pour la télé, ça serait Fear the Walking Dead, ça serait très bien. Tu veux qu'on parle de Coulson qui pourrait très bien partir du Shield, ça, il n'y aurait aucune différence parce qu'on doute toujours de sa loyauté, on doute toujours si vraiment c'est bien qu'il ait le pouvoir ou quoi. N'empêche que c'est le directeur du Shield et que hashtag Coulson lives. Mais le Shield n'existe plus. Voilà, exactement. Franchement, il a plus ou moins été viré. Hein. Donc il est le directeur de rien du tout. Il s'est fait un peu dégager du Shield. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Il en a été directeur. On voulait plus de lui, tu vois. Eh ben moi j'en veux, et je le veux dans mon équipe, et je le garde, et lui aussi je le défendrai jusqu'au bout. Non mais il n'arrive pas à la cheville de dame. Il va falloir passer au vote. Et Jonathan fait aussi sa petite intervention, comme dans presque tous les combats jusque-là. Et un point pour Daryl. Ah, merci Jonathan. On va passer au vote. Alors logiquement, d'après l'ordre, c'est moi qui devrais commencer de voter, mais j'ai un personnage. Donc c'est toi Arnaud qui va le faire. Je l'ai déjà dit, Zoe Kidenson, c'est chiante. Je l'ai jamais dit, mais je suis pas très fan de Daryl. Mais Phil Coulson est revenu parce que vous avez décidé de le choisir contre mon Captain America, qui s'est encore fait défoncer, donc la blessure est encore fraîche. C'est pas de la faute donc, de Coulson. Je m'en fous, il a déjà été tué une fois. Il a été tué une fois pour Phil Coulson. Ça, je le pardonne pas. Donc, Daryl. Merci, Arnaud. Alors, vu que je trouve The Walking Dead chiant à mourir, hors de question pour moi de donner une serait, enfin, un point ou même un demi-point à Daryl, donc un point pour Phil Coulson. Elodie, bah, tu ne peux pas voter, tu as un personnage. Elvire. Alors, tu as été de mauvaise foi sur The Walking Dead et Daryl, et c'est un personnage que j'adore parce qu'il est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser, donc ça sera Daryl. Léo. Pareil que Clément, c'est-à-dire que le jour où je voterai pour un personnage de Walking Dead, vous pourrez m'euthanasier. et parce que certes, Daryl est le personnage le plus potable, mais de là à voter pour lui, alors qu'en face il y a eu Agents of S.H.I.E.L.D. qui était quand même assez jouissif, où Phil Coulson incarnait une belle bonne gueule, et puis parce qu'en effet c'est le geek ultime, je vote sans contestation pour Phil Coulson. Nib, oui. Phil Coulson. Phil Coulson 3, Daryl Dixon 3, égalité. Ouais. Même chose que tout à l'heure, c'est le point de Jonathan qui qualifie donc Daryl Dixon. Ouais. Oh mon tristesse. Bravo Elodie. Bravo Elodie. Elodie, tu réussis quand même la performance. Tu es la première depuis le début de l'émission à réussir à qualifier un personnage repêché. Ah, mais surtout un personnage de The Walking Dead, bon Dieu, c'est en pas plus. Possible. Attends, dis celui qui va défendre, mais pas un. Alors, dis celui. Ouais. Parce qu'on va enfin découvrir la vraie raison de la présence de Léo. J'ai demandé à Léo de venir dans cette finale, parce qu'après l'affrontement épique qu'on a eu entre lui et Arnaud autour de Gotham, il devait être là ce soir et il devait représenter un personnage de Gotham. Donc, je lui ai dit, écoute Léo, tu choisis le personnage de Gotham que tu veux, peu importe si tu es dans les personnages éliminés ou pas. Mais tu viens défendre quelqu'un de Gotham dans la finale. Et tu as choisi le pingouin. Le pingouin, celui qu'on a vu sur son trône hier. Et tu vas devoir le défendre face à Elvire, qui est remontée comme une horloge. Et qui en plus va nous représenter un personnage auquel elle tient particulièrement. C'est She-Hulk, qu'elle avait réussi à qualifier dès le round 1 des Infinite Wars. Donc c'était début du mois de juillet. Elvire. Vas-y, oui. À toi le plaisir de te faire le pingouin, peut-être, ou pas, on verra. C'est sale. Alors là, je vais présenter She-Hulk parce qu'elle est un peu moins connue que Daredevil. Donc She-Hulk, à la base, c'est Jennifer Waters, qui est avocate. Mais un jour, elle est touchée par balle, et il se trouve qu'il n'y a que Bruce Banner qui est compatible et qui est dans le coin. Et donc, par transfusion, elle se fait transfuser le sang de Bruce Banner qui est radioactif. Qui est des gamma. Et donc elle devient She-Hulk à cause de cette transfusion. Mais à cause de cette transfusion, la transformation est permanente. Donc elle est tout le temps She-Hulk. Mais au final, à l'inverse de Hulk qui ne se contrôle pas quand il se transforme, She-Hulk arrive à trouver un équilibre et donc elle arrive à se contrôler mentalement. Donc elle reste Jennifer Waters avec son self-control et son intelligence. Exactement. Et alors Léo, qui est le pingouin et surtout pourquoi l'as-tu choisi ? Le pingouin... Sortez les pop-corns, les gars. Du calme, on n'a pas encore. Le pingouin, donc, comme vous avez tous pu l'apprécier pendant la première saison de Gotham, est d'une version, une version plus jeune de celle qu'on connaît dans les comics, la version consacrée étant celle plutôt de Danny DeVito dans le film de Burton. Mais là, donc, c'est un pingouin plus jeune, au début de ses activités criminelles. Donc ici, il est plutôt mince. Il vit avec sa mère, il est à la botte de Fish Mooney au début. Il est... Ah mais du cas, laissez-moi le défendre si vous m'interrompez tout le temps aussi. Il est à la botte de Fishmooney au début, enfin c'est son bras droit et son porteur d'ombrelle surtout, et finit par s'indépendantiser, monter les échelons, passer de bras droit de Maroni et de bras droit de Falcon en étant un agent double, jusqu'à devenir l'autoproclamé King of Gotham à la fin de la saison. Autoproclamé, c'est le mot important. Ah bah, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là, pour le coup, c'est autoproclamé. Enfin, c'est lui qui le dit. Enfin, on verra dans la saison 2. Mais bon. Voilà, pour l'instant, c'est le pingouin à ses débuts. Et pourquoi il devrait battre She-Hulk? Pourquoi il mérite plus sa place et pourquoi il mérite plus le titre? Parce que là, quand même, on se bat pour le titre dans C'est Infinity War ce soir. Pourquoi lui plus que She-Hulk? Parce que le pingouin est, à l'image de Wilson Fisk d'ailleurs, un des ennemis emblématiques de Batman. Là, certes, il est à ses débuts, parce que déjà aussi, là encore, pour l'interprétation de son acteur, Robin Lord Taylor, oui, Arnaud, retiens-toi, prends tes cachets, tout va bien. Il est brillamment interprété, il représente, en tout cas dans la série Gotham, hein, je parle, il représente une bonne entrée en matière, une bonne entrée en matière dans le personnage, avec d'ailleurs un Robin Lord Taylor qui s'est vraiment donné à fond dans son personnage de psychopathe. Mais laissez-moi parler, bon Dieu, je sais que vous aimez pas Gotham ni le pingouin, mais laissez-moi, qui pousse le mimétisme jusqu'à la claudication, qui a déjà parlé. Donc, et qui est déjà en plus le patron, certes il s'est autoproclamé, ça d'accord, mais c'est quand même le patron dans la mesure où Maroni a pris une balle dans la tête, que Falcon a décidé de se retirer et que Fishmooney a basculé de plusieurs centaines de mètres. Donc c'est lui le patron, c'est lui qui a mené largement le mieux sa barque toute la saison alors qu'il a été sur le fil du rasoir en permanence, et puis surtout, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Gotham, du calme tout le monde, le pingouin reste quand même un des personnages qui a un petit peu vraiment tenu l'attention, en tout cas pour moi, qui a retenu l'attention donc par son intrigue de monter en puissance, et puis aussi pour un petit peu la personnalité qu'on lui a donnée, donc à la fois donc ce psychopathe, mais aussi cet homme qui reste encore à ses débuts là, assez infantile, qui vit avec sa mère, qui continue de tenir énormément à sa mère, presque dans un rapport un peu incestueux, malsain et tout, qui moi en tout cas m'a énormément plu, qui la méchanteuse, qui tue le premier qui critique les talents de sa mère. Bref, le pingouin est quand même un vrai spectacle, les personnages total dans la série, plus que d'autres personnages. Il a déjà une personnalité affirmée, c'est déjà devenu le patron de la pègre de Gotham. Donc bon, tout ça face à She-Hulk qui n'aura jamais l'aura du vrai géant vert, quoi, qui reste la cousine de Bruce Banner face à l'un des méchants les plus emblématiques de Batman. Et Robin Lord Taylor pourra s'inscrire dans la lignée des interprétations après notamment donc Danny DeVito. On pourra dire ce qu'on veut du personnage, mais quand même il le défend pas mal. Elvire. Répassant, comme ils disent. Productivité au moment du vote. Hein. Oh. Alors, comme j'ai dit. Est-ce que tu veux laisser le champ à Léo ou est-ce que tu veux quand même. Ah ben non, parce que moi, je vais que la présenter. Là, Léo, il a pris trois quarts d'heure. Moi, je vais que la présenter. Donc, si maintenant, je voudrais bien donner. Alors, vas-y, les arguments. Donne tes arguments. Pourquoi a-t-il tort? Alors, comme je l'ai dit, She-Hulk, elle arrive à garder son intellect et son intelligence. Donc, pour moi, She-Hulk, c'est l'intellect et la force, alors que le pingouin, bah, c'est aucun des deux. Ah ouais, il n'y a pas d'intellect non, chez je t'ai le pingouin pas, à je jouer t'ai double pas, jeu. Je ne t'ai pas interrompu, alors j'aimerais Excuse-moi, bien. Excuse-moi, pardon. Merci, c'est gentil. Alors, je vais te répondre parce que tu l'as comment dire, comparé à Wilson Fisk, alors que pour moi, c'est l'antithèse. Tu t'admirais Wilson Fisk parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à confronter directement ses ennemis, alors que le pingouin, c'est totalement l'inverse. À côté du mot lâche dans le dictionnaire, il y a sa photo. C'est même pas. Juste le temps qu'Elvire règle son petit souci pour vous dire que quoi qu'il arrive, le pingouin ne sera pas vierge de points puisque Jonathan lui en a donné un. Oh là là. Oh. Ah, ça m'étonne pas de Jonathan. Ce sera le seul point qu'il aura. Alors, pardon, je reviens. Ne présume pas des votes. C'est pas juste quand même de dire j'aime pas cette série, donc je ne voterai pas pour cette série. Allô? Défends-moi. Oui, c'est le personnage que je déteste. Je peux continuer. Vas-y, Elvire, tu peux reprendre. Merci. Donc oui, je dis, à côté du mot lâche dans le dictionnaire, il doit avoir la photo du pingouin. Hein. Ça, j'ai pas été vérifié. Et donc, mais tout ce que tu as dit, voilà, tu dis c'est autoproclamé, c'est ça le problème. Personne, il n'a aucune légitimité. C'est lui dans son petit fantasme d'adolescent attardé qui se pense le roi de Gotham, mais non, parce que il arrive là par une série de hasards. L'autre se fait tuer, bon bah ok, fiche mini part, et il est toujours le bras droit, l'éternel second, donc un king wannabe, mais qui en a pas la carrure. Et l'interprétation subtile, allez, on va le faire marcher comme un pingouin, subtilité. Bah, voilà. On reprochait pas à Danny DeVito de marcher également un peu comme un pingouin. Hein. Et d'autre part, pour revenir sur ce que tu disais, j'ai fait une légère comparaison avec Wilson Fisk dans le sens sur l'interprétation, hein, pas tant sur les personnages. Bien sûr, c'est vrai que le traitement et l'interprétation sont vraiment différentes. Par contre, dire que c'est un lâche, là, certes, autant c'est pas le personnage avec le plus de courage, autant faut peut-être pas exagérer. Il faut quand même avoir sacrément du cran pour jouer double jeu dans les deux familles qui se détestent le plus de Gotham, qui font une guerre des gangs qui dure quand même toute la saison, en gagnant totalement la confiance de Maroni, en la gagnant de plus en plus, en se tirant d'un piège avec la scène où il est dans la voiture et où il est prêt d'être compressé, tendu par Maroni, tout en étant à la solde de Falcon, et à la fin, réussir à jouer de tous ses intérêts pour envoyer balader Fish Mooney Ad Patres et devenir le roi de Gotham, parce qu'en effet, certes, il s'autoproclame, mais les méchants s'autoproclament quand même les gros vilains qui veulent régner sur le monde, et aussi parce que, encore une fois, il n'a plus d'opposition. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas vraiment d'opposition, le pingouin. Quand tu vois que Falcon s'est retiré, que Maroni est mort et que Fish Mooney est a priori morte, enfin, en tout cas, on peut le présupposer, il n'est plus le bras droit, il est passé de bras droit, certes au début de la saison, à un méchant avec de l'envergure, avec un bras droit, un bras droit qui est Butch, qui est quand même un sacré atout, puisqu'il a été il a des relations, des tuyaux, il a un réseau, il a été le bras droit de Fish Mooney, et qui maintenant lui est fidèle, au point d'ailleurs qu'il n'a pas laissé, enfin tu vois que même quand Fish Mooney il a un peu troublé dans ses sens, il a quand même laissé Fish Mooney mourir. Donc le pingouin n'est pas tant un lâche, le pingouin n'est pas tant autoproclamé que ça, il a même plutôt un avantage certain dans la série, et il a un nouveau rôle et un nouveau statut qu'on pourra voir dans la seconde saison. Allez, on va laisser Elvire répondre et puis après on passera au point. Bah, autoproclamé, tu... oui, mais comment dire, c'est pas lui qui fait que l'autre, j'ai perdu son nom, se retire, celui qui se retire. Son nom m'échappe. Falcon. Non, c'est Falcon qui se retire. Voilà, Falcon se retire, c'est pas de son fait, Maroni meurt. Voilà, il arrive là. Pas parce qu'il est courageux ou parce qu'il a pris des décisions, mais par une série de petits hasards qui font que. Donc c'est pour moi, c'est un truc pour moi qui prouve qu'il n'a pas d'envergure. C'est la malignité qui l'a amené sur le devant de la scène. C'est encore tout, une fois, jouer double c'est jeu. Tout, c'est tout, c'est fini. On va passer au point, et je rappelle donc que Jonathan a donné un point au pingouin. Voilà, c'est bon. Je vais commencer à voter. Et je vais commencer en disant qu'après tout, si Daryl Dixon arrive à passer le tour suivant, et ben pourquoi pas le pingouin? Un point. Salaud. Nib. Je comprends pas comment tu peux donner un point contre un personnage que tu adores. Pour la défense de Léo, qui était quand même pleine de panache. Ah oui, ça je suis d'accord, mais tu trahis toi-même. Justement, pourquoi ne pas voter pour les... Même si c'est pas dans une... Bref, je vote She-Hulk, moi, pour ma part. Ok. Arnaud. Certes, il a bien défendu son personnage, mais je suis d'accord avec aucun de ses arguments. Je trouve qu'il joue très mal Et je suis au contraire d'accord avec tous les arguments d'Elvire, qui dit que c'est un arriviste qui est tombé au, qui a eu la chance d'avoir des coïncidences, de tomber au bon moment, au bon endroit, et de réussir à devenir, soi-disant, le roi de Gotham, ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire pour moi pas grand-chose. Donc je vais plutôt voter pour She-Hulk, ce qui est un personnage que je connais pas, mais je trouve intéressant le fait que justement ce soit un personnage piégé dans son aspect monstrueux, puisqu'elle est toujours verte, elle peut pas redevenir avoir une apparence humaine, mais qu'elle garde quand même son intellect et ce qui fait qu'elle est humaine dans cette apparence monstrueuse. Donc She-Hulk. Clément. She-Hulk. Elodie. Bah, je tiens à dire que je n'aime pas Gotham, mais je trouve que ce n'est pas un argument de dire qu'on n'aime pas cette série, donc on ne doit pas voter pour. C'est pas ce que j'ai dit ? Non, non, mais y en a plein qui ont dit ça pour Gotham ou pour The Walking Dead ou d'autres séries. Mais... Pour The Walking Dead. Oui, pour The Walking Dead, tout à l'heure pour Daryl notamment. Ouais, voilà. Donc tu votes pour. Je le prends personnellement. Mais je trouve que Léo s'est défendu en défendant son personnage et pas en l'attaquant, alors qu'Elvire a fait que d'attaquer le personnage du pingouin, donc pour ça je vais voter pour le pingouin. Et on termine. Il n'y a plus de points ? Non, il n'y a plus de points. Et pour expliquer aussi mon point quand même, Léo m'a quand même rappelé le pingouin version Danny DeVito. Et je me suis rendu. Mais c'est pas celui-là. Oui, mais justement, je me suis rendu compte que ce pingouin-là, bah, il est quand même meilleur. Pardon ? Ah oui, pour moi, il est meilleur. Le pingouin Danny DeVito, je ne le supporte pas. Déception, Mathieu, sur il est excellent. Enfin, ah non, moi je le supporte pas. Je l'avais dit, hein, quand j'avais regardé le film, j'en avais parlé, tout. Je peux pas ce pingouin. Donc du coup, c'est aussi ça, c'est aussi juste l'évocation de ce nom-là, de cette haine que j'ai pour Danny DeVito. Oui, mais l'autre non plus est pas terrible. Le Gotham est pas bon. Bah, il est quand même mieux. Il est quand même mais mieux. Face à She-Hulk, il est mieux que She-Hulk. Et l'épisode 7 de Gotham où il est au centre, il était quand même voilà pas si. C'est hypocrite. Ah, franchement, ce coup, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le point. Tu adores She-Hulk, t'aimes pas Gotham, mais juste parce qu'il est un peu mieux qu'un autre personnage qui n'est pas dans la liste, tu votes pour Gotham alors que tu adores She-Hulk, tu adores la série She-Hulk. C'est vrai, mais ce qui compte aussi dans ces Infinity Wars, et Elodie l'a dit, c'est la manière aussi dont on défend son personnage, et je trouve que Léo avait quand même un sacré panache et a défendu. Oui. Non, je soutiens vraiment Elodie quand elle dit il a défendu en défendant son personnage et pas en attaquant l'autre. Et voilà, pour moi, ça mérite quand même un point, donc c'est tout. 3 points chacun, le point de Jonathan qualifie le pingouin. Ouh, j'ai réussi ma mission. Attends, c'est pas fini parce qu'il y a Daryl derrière. Batman de la version animée, qui est un personnage que j'avais réussi à qualifier, contre un personnage repêché justement par Jonathan, qui décidément ce soir prend de la place, c'est le Quicksilver de Days of Future Past, et il l'a confié à Clément. Aura-t-il plus de chance que Wonder Woman tout à l'heure, qui lui a été confié par Spock ? On verra. Allez, je vais commencer, parce que je n'ai encore pas commencé mes combats en présentant mon personnage. Batman de la série animée est apparu pour la première fois en 1992, en septembre 92, sur la Fox, série légendaire de 85 épisodes de l'univers de Bruce Timm. C'est une série voilà, qui s'est inscrite dans le DC Animated Universe, qui était toute une vague de séries, de films d'animation, qui étaient tous dans un univers cohérent, et Batman était un peu la série fer de lance de cet univers-là, et a raison, parce que tout le monde se rappelle de cette série, tout le monde se rappelle avoir regardé cette série et avoir joué avec les petites figurines de ce Batman-là des années 90, donc voilà, il a largement mérité sa place. Après, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout ? J'espère, puisque c'est un personnage qui, pour moi, dans mon histoire personnelle, a forcément une place particulière. On verra ça. Ça commence déjà par battre Quicksilver de Days of Future Past. Vu le film, ça va. Je me sens pas trop mal. Ah. Clément ? Oui, donc Quicksilver, interprété par Evan Peters. Oui. Donc qui apparaît du coup pour la première fois et pour le moment unique fois dans Days of Future Past, même s'il va apparaître je crois dans X-Men Apocalypse. Oui. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc Quicksilver n'est jamais nommé en tant que tel. Il est toujours nommé en tant que Peter Maximoff, je crois, pour un souci de droit. Donc c'est pas dit explicitement qu'il est le fils de Magneto dans ce film, même s'il y a une allusion, on va dire, qui est plus ou moins faite. Donc pour les connaisseurs, voilà. Après, c'est un personnage qui malheureusement n'apparaît pas n'apparaît pas énormément, même si j'aurais d'autres choses à dire. Juste, je me rappelle plus d'un truc de parce que par rapport aux temporalités, Quicksilver, le quand on le rencontre, le gamin, ouais. Ça, il est dans le passé, hein, ou il est dans le présent. Ouais, c'est ça, dans le passé. Alors comment Magneto, si jeune qu'il est à cette époque-là, peut-il être son père? Quand on voit l'âge que lui, il a déjà. Du coup, c'est ça m'étonne. C'est pas, voilà, c'est pas forcément un argument ou quoi, mais c'est juste une réflexion que je me fais en même temps. Tiens, c'est encore une incohérence, encore une incohérence dans ce film. Ah, il est pas si jeune. Non, il est pas si jeune, Magneto. Pas dans l'époque du passé, quand même. Il est pas. Surtout que, genre, 10 ans plus tard, il est devenu chauve. Il a bien changé, donc il est pas si jeune. Hein. Il a bien 30 ans. Même plus. Ouais, mais pour avoir un fils ado de 15 ans et tout. Enfin, bon, bref, c'est possible, bah, hein, mais bah voilà, non, c'est... parce que. S'il en a 35, il l'a eu à 20 ans. Bon, c'est un détail technique, c'est pas grave. Quicksilver, pour moi, alors oui, on est d'accord, c'est le meilleur des deux Quicksilver qu'on a vu au cinéma, mais ça reste quand même qu'un bon personnage pendant une scène. C'est-à-dire la scène du ralenti, dont tout le monde se rappelle. Après, sur le reste du film, il est juste transparent. Mais il apparaît pas. Bah en même temps, il apparaît pas. Ah, il apparaît quand même pour jouer aux jeux vidéo, pour jouer au ping-pong en faisant des allers-retours, etc. Enfin voilà, son impact n'est pas non plus incroyable. Contrairement au personnage que je défends, ouais. Qui a un impact toujours 25 ans plus tard presque. Est-ce que je peux répondre du coup ? Vas-y, réponds. Alors certes, c'est vrai qu'il a très peu de scènes par rapport à d'autres personnages dans ce film, mais reste que certainement, effectivement, il incarne certainement l'une des meilleures scènes du film, et je dirais même l'une des meilleures scènes de la saga. Mmh. Et on oublie, c'est vrai que cette scène-là, c'est quand même une prouesse, enfin, je dirais pas jusqu'à dire prouesse technologique, mais en tout cas, c'est une scène qui est très bien faite, et ce Quicksilver-là est à mon sens bien supérieur à celui version MCU. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas énormément de choses, on va dire, au contenu du film, mais en même temps, ça c'est plutôt faute au scénario, parce que reste que c'est un très bon Quicksilver, et c'est vraiment l'un des personnages, peut-être le personnage qui apporte une touche, on va dire, humoristique, ou en tout cas un peu de fraîcheur dans ce film. Et je tiens à souligner quand même que je trouve avec la seule scène, on va dire, spectaculaire, c'est quand même une symbolique assez forte, puisque c'est grâce à lui qu'il va libérer Magneto, et finalement Magneto n'est que son père. Donc la symbolique est quand même assez forte, et ça reste un personnage très, enfin, moi qui m'a plu, qui m'a fait rire, et ça, voilà, ça apporte une certaine fraîcheur, et c'est certainement l'un des personnages de X-Men Days of Future Past qu'on a le plus envie de revoir par la suite. Excuse-moi, ta symbolique elle est un peu pourrie parce que carrément. Non mais carrément parce que l'idée de base elle est bonne. Si seulement il savait que c'était son père. Ouais, mais justement. Bah justement, il le sait pas. Et alors, c'est pas faux. Là, je voilà. Après. Ce Quicksilver là, je suis pas sûr qu'il ait influencé la vie de beaucoup de monde, et je suis pas sûr qu'il influence la vie de beaucoup de monde, contrairement au Batman qu'on a presque tous vu quand on était gamin et dont on se rappelle toujours, et qui fait peut-être en partie ce qu'on est aujourd'hui. Enfin, moi en tout cas, si j'ai commencé à lire des comics et si j'ai fait certaines choses, c'est peut-être aussi parce que j'ai grandi avec cette série là, avec cette influence là, qui était une influence quand même très positive et plutôt stimulante pour un petit garçon de 7-8 ans, voilà, qui voit cette série tous les dimanches les yeux grands ouverts. Voilà, je suis pas sûr que Quicksilver ait cet impact. Si tu m'excuseras, c'est l'intégrale de Batman aussi que j'ai chez moi, et pas ce DVD à la con. Enfin bref. Oui, non, mais après, voilà, ça voudrait dire voir tout le film pour voir le DVD des Future Past. Donc voilà. Ok, Quicksilver, il est sympa, mais il y a tout le film autour quand même. Faut pas pousser. Allez, on va passer au point. C'est Elodie qui commence. On peut dire Joker. Donc Batman. Pour ça, j'accorde Batman. Ah, je précise, excusez-moi, que Jonathan a donné 2 points à Quicksilver. Évidemment, c'est le personnage qui l'a repêché, donc forcément, il va le soutenir jusqu'au bout. Oh, le vendu. Elvire, Elodie, tu as donné ton point. Quicksilver. Quicksilver. Léo. Pour la série animée Batman. Nib. Batman. Il reste qui ? Il reste Arnaud. C'est dur à choisir. À part l'argument du père, c'était pas si mal du côté de Clément. C'était pas si mal, mais est-ce que ça suffit ? Ouais. Mais en même temps, t'as fait ce que tu reprochais à d'autres, notamment sur le pingouin, de défoncer les arguments de l'autre plutôt que d'en donner pour son propre personnage. Donc, et puis comme il a plus personne après, Clément, je vote pour son personnage, donc Quicksilver, que en plus je n'ai pas détesté dans le film. J'ai bien aimé le film. Quicksilver qui aurait été qualifié, même si tu avais donné ton point à Batman, hein, avec les 2 points de Jonathan. Quicksilver 4, Batman 3. C'est donc Quicksilver qui atteint le tour suivant. Il nous reste un duel. C'est un duel qui va m'opposer à Arnaud. C'est Harley Quinn de la saga animée que j'ai qualifié dans les rounds de cet été, qui va être confronté à Batwoman, qui a été victime du switch, éliminé par l'oncle Ben, et qui revient donc ce soir. Arnaud, Ben. On sait que Batwoman est un personnage important pour toi, donc vas-y. Alors, pour la présenter, parce que c'est un personnage connu de quasiment personne, je pense. Certes, elle fait partie de la Bat-Family, d'où son nom, et elle a été inspirée par Batman, mais c'est une héroïne très indépendante du reste, puisqu'elle apparaît dans aucune série et dans quasiment aucun événement. C'est un personnage qui a eu aussi, comme tous les super-héros chez DC, un passé difficile, avec beaucoup de choses à surmonter dans sa vie. La mort de sa mère et de sa sœur jumelle, pour commencer. Et elle était surtout confrontée à la discrimination de l'armée américaine, qui l'a renvoyée de l'école militaire à cause de son homosexualité, à cause d'une loi qui date d'il y a une dizaine d'années. Mais malgré son renvoi, elle a toujours eu ce désir d'aider et de protéger les gens, notamment forcément à cause de son passé avec sa mère et sa sœur. Et du coup, malgré le renvoi de l'école militaire, elle a continué sa vocation. Et donc, elle s'est entraînée, elle a été aidée par son père qui est militaire, par sa fortune personnelle aussi, qui lui permet d'acheter le costume, etc. Et donc, elle est entièrement indépendante de Batman. Et justement, ça permet une fraîcheur dans les histoires. Et surtout, c'est un personnage qui est beaucoup confronté à la magie, contrairement à Batman et tous ses associés. Et pour moi, Batwoman, c'est une grande héroïne qui est restée dans l'ombre, malheureusement, et qui mériterait de gagner juste pour ça. C'est vraiment face à Harley Quinn. C'est une femme qui veut juste faire le bien, contrairement à Harley Quinn, qui est une femme malheureusement fragile psychologiquement, et elle s'est laissée corrompre par son chéri, le Joker, hein, celui qu'elle appelle le Mon Pudding dans le dessin animé, quand même. Et c'est une femme, quand même, Kate Kane, Batwoman, qui aurait pu se venger et devenir complètement folle aussi et se venger de tout le monde, des hommes par exemple, hein, des militaires, etc. Mais elle a préféré continuer sa vocation, aider les gens et ne pas mentir sur son orientation sexuelle, mais elle a préféré rester honnête envers qui elle est et de défendre ses valeurs. Hein. Et du coup, elle peut aussi comme ça donner du courage aux lecteurs. Hein. Et donc, elle devrait gagner pour tout ça. Parce que c'est un personnage qui apporte tellement de choses dans les comics qu'on voit rarement ailleurs. Hein. Et ça ferait du bien d'avoir un personnage assez méconnu qui gagne cette finale, quand même. Parce que c'est quand même une grande héroïne, très peu connue. Comment ? T'inquiète, il y a la Batco pour ça. Bah oui, mais pour l'instant on parle de Batwoman face à une folle hein, qui s'en prend aux gens, contrairement à Batwoman qui veut aider les gens, qui aide des enfants, qui aide plein de gens, qui combat des créatures mythologiques avec l'aide de Wonder Woman, parce que quand même pour affronter une hydre géante en plein Gotham City, bah il faut un peu d'aide. Et tout ça, malgré tout ça, elle est aussi toujours face à de la discrimination, face à son homosexualité, autant dans les comics que en dehors, dans les bureaux de DC, parce que quand même, les patrons de DC ont refusé qu'elle se marie avec sa petite copine, alors que le mariage était prévu depuis 6 mois, 1 an. Et à la dernière minute, on a dit aux scénaristes et aux dessinateurs, non, vous n'avez pas le droit de le faire, vous changez tous vos plans que vous avez construits depuis 1 an. Et donc, juste pour faire un gros doigt à DC et montrer qu'il y a un peu d'originalité ce soir, on devrait dire, voilà, Batwoman est qualifié dans un premier temps en finale, parce que c'est un grand personnage original. Je l'avais dit qu'il allait bien défendre celle Batwoman. Mais on va gratter un petit peu la surface et on va s'arrêter, on va enlever un petit peu les apparences d'Harley Quinn et voir un peu qui elle est vraiment, cette femme-là. Harley Quinn, c'est une médecin psychiatre qui ne se contente pas de la psychiatre classique. Elle, ce qui la motive, c'est le bon chez les gens, et elle veut réhabiliter les patients d'Arkham pour les faire repartir dans la vie, etc. Voilà, elle veut chercher le bon en eux et le faire ressortir plutôt que leur folie pour qu'ils puissent repartir dans la vie bon pied. Déjà, ça, de base, c'est quelque chose de très fort et qui est vraiment à mettre au crédit du personnage. Et puis un jour, elle va rencontrer le Joker et elle va tomber amoureuse. Mais à la rigueur, est-ce qu'on choisit de qui on tombe amoureux? Non, et tu l'as dit toi-même pour Batwoman, elle est bien placée pour le savoir. Non, on choisit pas de qui on tombe amoureux. Et elle est tombée amoureuse du Joker. Et petit à petit, c'est la folie du Joker qui va prendre le dessus, et elle va commencer à faire des choses par amour pour lui, qui sont contraires à son éthique, et puis petit à petit, elle va en faire de plus en plus, mais toujours, toujours par amour. De plus, sa relation amoureuse avec le Joker est hyper malsaine, dans le sens où le Joker la ramène plus bas que terre, l'ignore, l'insulte, la frappe même parfois, mais elle revient toujours vers lui, parce qu'encore une fois, il y a un truc qu'elle contrôle pas, c'est ses sentiments, et elle revient vers lui, et cette espèce de souffrance qu'elle peut ressentir vis-à-vis de cette relation, elle a été aussi décrite dans l'histoire d'Harley Quinn. Harley Quinn, c'est un personnage qui à la base était juste un personnage de dessin animé, et qui a fini par devenir un personnage de comics et une star des comics, parce que c'est une des séries maintenant qui se vend le plus. Et c'est pas que l'Arlequin avec son gros marteau qui fait rire tout le monde et qui appelle le Joker mon biquet, mon canard ou quoi que ce soit. C'est une femme beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche et avec beaucoup plus de relief que ce qu'on voudrait bien lui donner quand on se place d'un côté un peu, on va dire... Tu parlais tout à l'heure de chez DC, de ce qu'ils ont fait à Batwoman, etc. Mais ils font un peu la même chose à Harley Quinn en lui imposant cette caricature d'Arlequin, de clown qu'elle est, alors qu'en fait, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profonde que ça. Donc finalement, on a un duel de personnes qui sont pas si éloignées l'une que l'autre. Mais comment Harley Quinn pourra prouver quand même qu'elle est tout ce que tu dis, et même plus, hein, montrer au monde qu'elle est géniale dans Suicide Squad, alors que Batwoman va rester au placard. Parce que cette série a été annulée par DC Comics. Parce que les créateurs sont partis, parce que DC a détruit leur plan, ils ont préféré quitter la porte, la série est partie dans n'importe quoi, elle a été annulée. Et maintenant elle est rangée au placard. Non, elle va revenir, hein. Elle est prévue de revenir dans plusieurs séries de chez DC, là, dans le DCU. Voilà, elle aura notamment... Elle fera des apparitions seulement, mais elle a plus sa propre... Oui, elle aura notamment une part à jouer dans Batman et Robin Eternal, a priori. Et puis, elle va quand même être un des personnages centraux d'un film d'animation prochainement, en fin d'année, chez DC. Donc, oui, l'année prochaine. Elle est quand même là, et elle est quand même bien... Un film d'animation en direct DVD qui va sortir directement dans les magasins, alors qu'Harley Quinn va être sur grand écran. Bah oui, mais elle aussi, elle a mérité sa place. Alors, j'ai pas regardé si Jonathan donne des points ou pas dans ce match. Je connais pas le personnage, mais Arnaud a fait une super plaidoirie, donc un point pour Batwoman. Merci Jonathan. Et je vais demander à Clément de voter. Batwoman. Elodie. Batwoman. Elvire. Batwoman pour le personnage, mais aussi pour Arnaud qui l'a très très bien défendu et qui c'est a toujours clair. Été cohérent dans ses choix. Léo. Idem qu'Elvire, hein, ce fut une belle plaidoirie d'Arnaud, donc je vote Batwoman, et pourtant Dieu sait que j'aime beaucoup la Harley Quinn de la série animée. Nib. Batwoman. Ce qui fait, ah bah tiens Léo, tu parlais tout à l'heure de branler, 6-0, au revoir la vie. Batwoman. C'est pour ceux qui aiment Harley Quinn. Hein. Batwoman passe donc au stade suivant. Et on va se retrouver avec Daryl Dixon contre le Pingouin. Elodie, défends-nous Daryl. Que dire de Daryl, à part que depuis sa tendre enfance, c'est un survivant. entre un père alcoolique et une mère qui est décédée quand il était très jeune et un frère qui était plus au centre de détention qu'ailleurs. Il a dû se faire tout seul, donc affronter aussi le monde, un monde qui changeait avec des zombies tout seul, avant de retrouver le groupe de Rick et des autres. Et il a appris à se battre, à se défendre, à tuer des zombies, à survivre. Voilà. Et on va dire qu'il est maintenant devenu un peu le leader aux côtés de Rick, sur quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui arrive à défendre les autres et qui est aussi très fidèle en amitié. On a pu le voir avec Carole ou avec Bess, entre autres dans la série. Petit côté aussi paternel avec Rick. Mais voilà, je pense que Daryl est un homme bien. Et Léo, le pingouin est-il un homme suffisamment bien ou un personnage suffisamment bien pour battre Daryl et arriver dans le dernier carré? Rapidement, s'il te plaît. Je suis pas vraiment d'accord avec ce que dit Elodie. Je vois en Daryl un personnage qui, justement, lui, profite du fait que les autres personnages sont pas si géniaux. Et alors, certes, c'est le plus potable, mais après, bon, de là à dire qu'il est génial, etc., bon, c'est surtout qu'autour, il n'y a pas grand chose. Alors que chez le pingouin, on a vraiment qu'on aime aussi, qu'on n'aime pas la Gotham. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs de Walking Dead et de Gotham d'ailleurs ce soir. Dans Gotham, le pingouin reste quand même un personnage qui, lui, a un impact à côté d'autres personnages qui ont aussi énormément d'impact, sachant que le pingouin, lui, il fait un petit peu dans l'initiatique, entre guillemets, côté maléfique, puisque c'est un représentant du mal. Il gravit les échelons, il finit par devenir la seule figure antagoniste pour l'instant crédible. Et cela, au milieu de d'énormément de méchants, tout aussi redoutables les uns que les autres, hein, tant Fish Mooney, le Dollmaker, le Falcon, Maroni, etc. Et tout ça en plus, d'ailleurs, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec Arnaud et le dire tout à l'heure, tout cela en plus en jouant double jeu, tout en ayant aussi en plus son club qu'il commence à faire prospérer, et probablement là où il aura son trône. Tout en se débarrassant de Fish Mooney, tout en prenant le pouvoir vu qu'il y a plus personne pour lui contester, en tout cas pour l'instant. Donc le pingouin, c'est vraiment, est vraiment abouti dans tous ces sens-là, alors que Daryl à côté, il fait un peu cavalier seul à côté de beaucoup de personnages autour qui eux, ne lui apportent pas tant. Attends, je termine, Elodie. Il fait un peu cavalier seul à côté de d'autres personnages autour qui sont pas, qui ne peuvent, de ce qu'on voit et vu au point la série d'ailleurs ennuie certains d'entre nous, ne lui font pas énormément concurrence, tandis que le pingouin reste un arc qui lui qui n'a pas cessé de gagner, en tout cas à mon sens, en intensité. Ok, quelques secondes pour Elodie et on passe au point. Le pingouin, au contraire, fait cavalier seul, puisque on va dire que il change de veste tout le temps pour que ça se profite à lui, alors que Daryl, au contraire, fait pas du tout cavalier seul. Il est tout le temps avec les autres, il défend les autres, il les aide. Pour moi, il fait pas du tout cavalier seul. Et je voudrais rajouter un argument qui est que ça va beaucoup mieux à Daryl les cheveux gras que au pingouin. Voilà. Avec cette attaque, que nous allons passer au point. C'est un peu inattendu. Et en plus, il fait pas cavalier seul, il y a Butch avec lui. Il est avec Fish, donc pareil pour lui, patrouille un peu. Bah ouais, mais bon, il est malin, il joue des intérêts des autres. Plus d'arguments. On passe au point, et c'est toi, Elvire, qui commence. Moi, je vais donner mon point à Daryl. Non. Je peux donner mon point si tu veux. Hein. Non, tu peux pas donner ton point. Mais par contre, moi, je vais donner le mien à Daryl. Nib. Je vais voter pour le pingouin. Ah, le pingouin, excuse-moi. Arnaud. Daryl. Clément. Daryl. Daryl 4 et le pingouin 1. Je vérifie si Jonathan donne des points. Non, il n'en donne pas. Non, il n'en donne pas. De toute façon, il n'y en reste que 3, donc je pense qu'il les garde un peu pour plus tard. C'est donc Daryl qui passe à l'étape suivante et nous allons, avant de passer au prochain match, en profiter pour dire au revoir à Dib qui doit partir. Au revoir. Salut Nib. Salut. À la prochaine. Une bonne soirée à tous. Bye. Ciao. Salut. Et on continue avec Quicksilver et contre le pingouin. Clément, Quicksilver contre non, Batwoman. Je suis obsédé par ce pingouin. Contre moi, je peux revenir, il n'y a pas de souci. Non, stop, c'est tout, stop. Quicksilver, donc, Clément. Ah, ça va être dur, là, contre Batwoman. Ah bah, si tu commences comme ça. Non, on passe au vote. Non, mais c'est... En même temps, c'est souvent dur, toi. Oh là là. Bah, c'est toi qui le dis à chaque fois. Hein. Une fois que c'est pas Arnaud qui fait ce genre de vanne. Moi, jamais. Mais bien sûr. Pas dans le round 1, pas dans le round 2 non plus. Ouais. Mais... Allez, Clément, ton Quicksilver, ouais. Pourquoi il doit battre Batwoman? J'allais dire un truc, mais j'ai le mal. Sinon, je sais pourquoi elle pourrait gagner contre lui. Attends, il allait dire un truc, on va le laisser dire quand même. Non, mais je vais pas le dire. Bah, vas-y. Alors, Arnaud, enfonce le clou si tu veux. Mais j'ai pas. Ah, bah, vas-y, parle! Bah oui, mais vous. On n'a pas toute la nuit, hein! J'allais juste dire qu'il est plus rapide que Batwoman, donc forcément qu'il ne peut que battre Batwoman, non, puis il est classe, quoi, son costume, il est bien, il est drôle, il est lunettes. Ouais, c'est ouais. Ça, exactement, il a des belles lunettes, et puis quand il court, il met de la bonne musique en plus. Ok. C'est Arnaud, des choses importantes dans la vie, tout ça. Je pense que la musique, oui, c'est important. Bah. Lui, c'est un ado un petit peu con qui utilise ses pouvoirs juste pour s'amuser. Il fait une bonne action, enfin soi-disant bonne action, en libérant Magneto parce qu'on vient le chercher, parce qu'on l'aide. Il sort de sa cave juste pour aider les gens parce qu'on vient le chercher. Batwoman, elle a été kidnappée, elle a vu sa mère, sa sœur mourir, elle a subi plein de choses, mais elle utilise son talent, sa détermination et surtout son début d'entraînement à l'école militaire et par la suite son entraînement avec des professeurs privés pour aider les gens. Elle n'a pas de pouvoir, même si elle combat des créatures magiques, elle n'a pas de pouvoir magique, elle n'a pas un sceptre magique ou je ne sais quoi. Elle a aucun pouvoir, elle a juste un talent pour le combat, un entraînement, quelques gadgets qu'elle utilise pour aider les gens. Et son costume, il est aussi classe que celui de Quicksilver, voire mieux. Il y a un peu de couleur, c'est pas juste du gris dégueulasse avec des cheveux blancs grisonnants. Elle a les cheveux pétants, bien rouges, un costume noir et rouge. En même temps, elle fait partie de la Bat Family, il y a du noir. Mais elle s'en détache en ajoutant du rouge parce que c'est sa couleur. Et elle botte le cul de tous ses ennemis, alors que Quicksilver, il a les mains dans les poches et il fait rien. Clément, avant qu'on passe au point, est-ce que tu as quelque chose à répondre? Non. Alors on va passer au point. Je regarde juste avant si Jonathan en donne. Visiblement non. Et on va commencer par Léo. Est-ce qu'il y a vraiment du suspense sur la défense d'Arnaud et sur la défense de Clément? Je donne mon point à Batwoman, hein, sans hésitation. Je donne également mon point à Batwoman. Ah, j'ai raté un point pour Quicksilver de Jonathan. Il l'aime vraiment. Clément, non. Elodie. Ah oui, il l'a repêché en même temps. Il aurait dû repêcher. Elodie, Quicksilver aussi. Elvire. Elvire. C'était trop forte. Batwoman. Et du coup, avec ce point, tu qualifies Batwoman. Ah, merci, j'ai eu peur. De rien. Ah, c'est le point de Jonathan. Okay. il n'y a plus... Ah si, il y a encore deux repêchés, parce que c'est pour gagner ce tableau, ce seront deux repêchés qui vont s'affronter, Daryl et Batwoman. Ah. Décidément... deux repêchés qui ont du succès et qui ont plutôt leur place dans ce dernier carré. Ils ont vraiment quelque chose d'intéressant. Non, les deux. Il manque le pingouin. Ouais, c'est plus des comics, ouais. Daryl, Elodie, pourquoi Daryl devrait-il se hisser jusqu'à la finale pour affronter Batco? Parce que Daryl, quoi, c'est le mec badass qu'on a envie d'avoir avec nous si on a une attaque de zombies, quoi. De Batwoman qui est totalement inconnu au bataillon. Alors d'accord, sauf que Batwoman, Daryl bute des zombies, donc c'est des humains qui font maximum 2 mètres, ils tombent sur un très très grand zombie. Batwoman a affronté une hydre qui était plus haut que tous les bâtiments de Gotham City. Donc elle a aucun pouvoir. Tout ce qu'elle a comme arme, c'est des petits batarangs, tous les petits gadgets de Batman. qui, bah, voilà, voudrais, qui tu voudrais avoir avec tes côtés, quelqu'un qui bute des personnages, des monstres qui font 2 mètres, ou une créature immense de plusieurs mètres. Mais je suis sûre que si dans le monde de Daryl il y avait des hydres ou je ne sais pas quoi, il arriverait à les buter aussi. Hein. Et juste avec son arbalète, lui, il n'aurait pas besoin de Batman. Elle n'a pas besoin de Batman, il n'est jamais là, Batman. Non, mais tu as dit des objets de Batman. Elle a des gadgets, c'est tout, mais c'est ses gadgets, il n'y a jamais. Ah ouais, il a des gadgets, bah, pour survivre. Daryl, il a des gadgets aussi, il a une arbalète et des flèches, c'est ses gadgets. Bah, il a son couteau et sa bite. Hein. Bah, Batwoman, elle a quelques gadgets pour se défendre aussi. Voilà, des trucs hyper sophistiqués. Bah non. Et ça change, puisqu'il y a énormément de personnages avec des arbalètes, entre Daryl, Green Arrow, Hawkeye et plein d'autres. Deux Hawkeye chez Marvel, en plus. Ça fait de beaucoup de personnages avec une arbalète. Mais il a son couteau aussi. Il a même des chaînes dans la dernière saison. Je te rappelle, il tue 2 zombies avec des chaînes. Waouh, impressionnant, dis donc. Bah justement, oui. Très, très impressionnant. Allez, on peut passer au point, je pense. Et Jonathan a attribué un point à Batwoman. On va commencer. Alors, qui va commencer cette fois-ci? Eh bien, je vais commencer, puisque c'est mon tour, et je vais donner un point à Batwoman. Clément. Batwoman. Elvire. Daryl. Et Léo. Batwoman, parce que globalement, j'aurais dit la même chose qu'Arnaud, et parce que... Oui, voilà, parce que... Batwoman. Eh ben, elle revient de loin, la Batwoman. Batwoman 4, Daryl 1, c'est donc Batwoman qui atteint le dernier duo, puisqu'ils ne sont plus que 2 maintenant. Et le gagnant des Infinite Wars sera soit la Batco, que je vais représenter une dernière fois ce soir, soit Batwoman, qui sera représentée et défendue par Arnaud. Combat de choc. Deux personnages de la Bat-Family, déjà, c'est à noter. Et puis deux personnages... Enfin voilà, moi la Batco j'y crois et je la défends vraiment bec et ongle depuis le début. Ta Batwoman, pareil, c'est un personnage que tu as apporté. Il va falloir le départager maintenant. Veux-tu commencer? Alors... Tu as du goût, Si, si, non, vas-y. Ok. La Batco peut être un animal, mais c'est un animal qui arrive à transmettre des émotions, ce qui est quand même pas... anodin, ce qui est quand même pas courant dans les comics. Elle a juste une réplique, bah, à l'instar de d'autres Groot ou autres qui n'ont qu'une réplique. Elle, sa seule réplique, c'est un petit me. Mais avec ce me, elle arrive à vous déchirer. Au moment de la mort de Robin, notamment, elle a un petit me avec un regard complètement déchirant. Au moment où elle va sur Apocalypse, où elle va au combat, alors là, elle transmet, enfin, elle nous fait ressentir une volonté et une puissance que jamais j'aurais pu ressentir en regardant une putain de vache. Quand Robin est revenu d'entre les morts à la fin de Robin Rises, leur retrouvaille, enfin voilà, c'est quelque chose de pareil d'assez touchant. Et ce n'est qu'une vache. Arnaud. C'est un fin moment là. Alors oui, certes, c'est une vache. D'accord, c'est c'est un animal. Mais Batwoman, à côté de ça, c'est un personnage très très peu connu. Tu l'as dit, Batco, au départ, elle devait être dans un one-shot et elle devait tomber dans l'oubli. Mais elle a pris de plus en plus d'importance par tout ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi, j'adore le personnage. Hein. Mais elle a pris peut-être plus d'ampleur que vraiment elle aurait dû. Alors que Batwoman, elle a jamais eu cette chance, alors que elle défend de grandes valeurs, elle défend des valeurs de famille, elle a quand même, sa famille a été brisée, et encore plus tard, je veux pas spoiler la série si jamais j'ai donné envie à des gens de lire, hein. Mais les premières histoires, ses premiers ennemis sont quand même associés à son passé, à sa famille. Hein. Et la seule personne avec qui elle a besoin, c'est son père. Hein. Elle a qu'elle comme partenaire, parce qu'elle a pas de sidekick, elle a pas de Robin, elle a pas de Batgirl, elle a pas de Nightwing, il y a personne pour l'aider. Les autres personnes de la Bat-Family soit l'ignorent ou ne connaissent pas son existence. Je crois que même personne ne connaît son existence à part Batman et Nightwing. Alors de que Batman? Oui. Enfin, elle est connue en tant que Batwoman. Les personnes, il y a pas mal de personnes qui l'ont vu passer quand même. Oui, enfin, c'est un peu une légende urbaine. C'est un peu une légende urbaine. Voilà, elle travaille dans Gotham, on a entendu parler d'elle, mais personne n'a été confronté à elle, à part Batman et Nightwing. Et encore, Nightwing, elle l'a aidé. Batman, elle était contre lui parce qu'il voulait qu'elle arrête. Un homme s'est senti attaqué sur son territoire par une femme. Il a refusé qu'elle reste Batwoman parce qu'elle a refusé d'intégrer sa Bat-family. Elle a refusé de devenir son associé, donc il a voulu l'empêcher d'avoir son symbole. Un symbole qu'elle utilise pour aider les gens, amener la paix. Et vraiment protéger les gens qui sont autour d'elle, notamment sa famille, mais pas seulement. Vraiment, elle aide tout le monde. Et elle est ses seuls associés, c'est son père, avec qui elle finit par ne plus s'entendre à cause d'histoires personnelles que je vais pas raconter. Et l'autre associé qu'elle a, c'est les deux agents du DEO qui, en réalité, utilisent sa famille et ses émotions sont passées à leur propre fin. Cette pauvre femme a vécu énormément de choses en quelques années. Elle est chamboulée, elle n'arrive pas à tenir une relation à cause de tout ça. Et on utilise encore son passé, son histoire personnelle, on enfonce le clou là-dedans et on l'isole encore plus de tout le monde, de sa famille, et on l'utilise plus que de raison tout en l'isolant. Alors que la Batco, elle aide les gens, mais elle est aussi aidée. Elle est aimée par toute la Bat Family, en particulier par Robin, qui l'a sauvée, qui a eu un coup de cœur immédiat pour elle. La pauvre Batwoman est seule pour affronter le monde. Ok, alors je vais répondre, et ce seront mes derniers arguments pour la Batco. Déjà, on a vu récemment la Batco dans Forever Infinity Man and Forever People. La Batco, elle avait une cape. Et moi, elle m'avait déjà conquis au début. Mais alors, quand je l'ai vu avec sa cape, c'était incroyable. Mais surtout, la Batco, en dehors du fait d'être une vache, c'est comme tout à l'heure, je le disais pour Coulson, mais la Batco, c'est notre image à nous dans les comics, dans les histoires dans lesquelles elle intervient. Elle a les sentiments, elle manifeste les sentiments et elle montre ce que nous, on ressent. Et c'est un peu un morceau de nous qu'elle représente et qu'on peut retrouver dans l'histoire. C'est aussi pour ça qu'on s'attache à cette vache. Quand Robin meurt, comme nous, elle pleure, Robin. Quand il s'agit d'aller sur Apocalypse et d'aller au combat, elle a la même volonté que nous, que ça fonctionne, et la même envie que tous ces démons-là sur Apocalypse soient pulvérisés. Et elle le manifeste pour nous. Pareil, quand Robin revient, elle fait à chaque fois, et du coup, oui, c'est un personnage, mais il y a aussi ce côté un peu quatrième mur, il y a aussi ce côté je représente le lecteur, je suis la parole du lecteur dans cette histoire. Et c'est intéressant qu'elle ne le fasse qu'avec juste un mot, parce que nous, lecteurs, on n'a pas grand-chose à dire dans l'histoire, comme elle. C'est vrai, c'est vrai. Mais Batwoman aussi peut, on peut faire plein de théories là-dessus, Batwoman aussi peut représenter le public. C'est pendant longtemps... Les lecteurs de comics ont été vus comme des geeks, des nerds qui étaient mis à part la société, des losers, etc. Batwoman, c'est une femme aussi isolée, juste par son orientation sexuelle. En plus, elle est lesbienne, elle est rousse, il y a plein d'insultes envers les rousses, etc. Et en plus, elle est juive. Donc vraiment, elle aussi, on peut la considérer comme une certaine métaphore des lecteurs de comics. C'est... possible également, effectivement. Elle donne la voix à tous ces gens-là, aux lecteurs juifs, rousses, homosexuels, etc. Mais la Batco, elle ne donne pas qu'à cela, elle le donne à tous les lecteurs, et finalement, c'est pas mal aussi. On va passer au point, Jonathan a utilisé son dernier point, il le donne à la Batco, en disant « ce sera la Batco pour moi ». On va voter, Arnaud, tu ne peux pas voter pour ce dernier vote. Clément. La Batco. Élodie. Batwoman. Elvire. Batwoman. Et qui reste-t-il? Léo. Bah, autant Mathieu, j'admire ta défense folle de la Batco. Et franchement, honnêtement, J'avais aucune connaissance de la Batco jusqu'à ce soir, enfin en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et franchement tu m'as donné envie de voir les comics dans lesquels elle apparaît. Toutefois, j'ai vraiment été très touché par la mise en scène, enfin la plaidoirie d'Arnaud, sa façon de faire, etc. Et vraiment, sur les discours, c'est très dur de vous partager, mais en termes, enfin mais vraiment de manière intime et personnelle, je donne mon point à Batwoman, parce que vraiment Arnaud a été vraiment super bien dans sa défense. Et nous avons donc notre grand gagnant pour ces Infinite Wars 2015, qui est une gagnante, forcément, parce que c'est une vache ou Batwoman. Bravo Arnaud, Batwoman l'emporte. C'est pas juste, ça se trouve, ni pour voter pour Batwoman. Non, mais Batwoman l'emporte. Batwoman l'emporte. Il n'y a pas ex-aequo. Non, 3 à 2. Mais non, il n'y a pas ex-aequo. Oh merde. 3 à 2, 2 points pour la Batwoman et 3 points pour Batwoman. Donc bravo Arnaud, tu as réussi à ramener ton personnage jusqu'au bout. Voilà, personnage qui a. On a peut-être la preuve que ce switch avait été injuste. Elle méritait sa place en finale et la preuve, elle l'a remportée. Donc bravo, tu es le coach gagnant et bravo à Batwoman qui est le personnage gagnant pour cette édition 2015 des Infinite Wars. Oh, et Jonathan qui dit qu'en Storyverse, te ferait presque tomber amoureux d'une vache. Voilà, on en arrive au terme donc, de ces Infinite Wars. Batwoman est donc la gagnante pour 2015. Arnaud sera le coach à abattre la saison prochaine. Je retiens quand même que dans une émission de Haters de Gotham, j'ai réussi à faire passer un tour au pingouin. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et moi, du coup, à Daryl, alors que vous détestez The Walking Dead. Hein. Oui, non. Exactement. C'est... Je trouve qu'on devrait avoir une médaille du mérite, Elodie. Ouais, c'est vrai, en plus pour des outsiders. On va la forger de nos petites mains et puis on vous la remettra. En tout cas, même quand on regarde le dernier carré, Daredevil de Netflix, la Batco, Daryl, malgré tout ce qu'on peut en penser, voilà, c'est quand même un personnage qui tire la série vers le haut et il faut quand même le faire. Oui, c'est et puis Batwoman, voilà, c'est quatre personnages dans le carré final qui, moi, me semblent pas choquants, en tout cas. Donc voilà, et Batwoman est une belle gagnante. La saison des podcasts recommence alors, non pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine vous aurez droit au replay de cette finale, que ce soit sur YouTube dans une version améliorée avec les images, etc., ou alors sur PodCloud, voilà, vous aurez ceci pour la semaine prochaine, et puis on se retrouve pour les émissions habituelles Le Mag sur nos écrans et la Padawan édition dès la semaine suivante, donc à partir, si je ne me trompe pas, du mardi 15 septembre. Vous aurez également cette saison plusieurs nouveautés, notamment cette chaîne YouTube qui va être plus active que ne faire que diffuser des émissions en direct, puisque vous retrouverez désormais la sélection de comics VO et la sélection de comics VF directement sur cette chaîne en vidéo, et ça commence dès demain avec la première sélection VF. La première sélection VO arrivera quant à elle un petit peu plus tard. On va déjà lancer la sélection VF et puis la sélection VO, elle arrivera par la suite. Voilà. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est évidemment de vous abonner à cette chaîne, d'aller éventuellement réécouter nos podcasts sur PodCloud, de vous abonner sur iTunes ou sur PodCloud à nos podcasts. Merci de nous avoir suivis tout l'été. Ces Infinite Wars ont l'air de vous avoir plu. Nous espérons que c'est évidemment le même cas pour cette finale. À dans une semaine et demie maintenant pour le prochain podcast inédit. Et puis à dimanche, si vous souhaitez réécouter cette finale qui restera disponible dans cette version tout de même sur YouTube. Bonne soirée. Merci à Jonathan qui dans l'ombre a quand même agi toute la soirée. Merci à ceux qui ont repêché les personnages. Je n'oublie pas non plus Spock et Antonin. Merci aux coachs qui ont été brillants cette année. Et à la saison prochaine pour une nouvelle Infinite Wars. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.